Salut à tous, c'est Majo, bienvenue sur la 41e émission des podcasts de VR for Player. Et aujourd'hui, on va parler autour d'un VR. Alors, comme vous avez pu le constater, Sei n'est pas là. C'est moi aujourd'hui qui le remplace, donc il commençait à se faire vieux, donc du coup on l'a mis à la retraite. Et si j'étais voilà, là, puis... j'étais caché dans mon lit. J'allais dire on l'a fait piquer. C'est pas gentil. C'est sympa. J'allais dire on l'a viré, c'est plus d'actualité aussi. Comme on n'a pas beaucoup d'argent nous non plus sur le site. On peut pas virer les gens, on n'a pas de sous. Ouais, c'est pas faux. On les paye pas en même temps. À la Trump, you're fired. Et donc, comme vous avez pu l'entendre, Sei est là. Et bonsoir, oui. Sei. Salut, salut Majo, salut Laurent, salut tout le monde. Alors, Sei, tu es invité, t'es l'invité aujourd'hui, tu as écrit un livre. C'est ça, tout à fait. Je viens présenter mon livre, La VR, ma passion, mon amour, ma vie, que vous allez pouvoir retrouver aux éditions Plomb. Non, je suis là. Oui, donc, comme je vais pas être disponible dans les mois à venir, je laisse les clés de la baraque à Sir Majo, qui va se débrouiller encore mieux que moi, je pense, pour hoster. Donc, pourquoi tu vas pas venir sur les deux dernières émissions? Parce qu'en fait, j'en peux plus de t'entendre et de vouloir discuter avec toi tout le temps et te supporter. Et donc, du coup, je me casse. C'est beau. C'est bon. C'est ça l'amour. Ça, c'est du propre. C'est du propre, hein, propre et net. On se fait jeter comme des merdes, là. Non, voilà. Mais vie perso, tout ça, voilà. Il y a des choses qui arrivent, des fois, dans la vie, qui fait que tu n'as plus beaucoup le temps à consacrer, en tout cas temporairement. Après, je reviendrai, mais en tout cas, dans les mois à venir, voilà, j'ai fauté, faut assumer. Donc, voilà, je vis dans c'est le moche. Péché. Et je m'en veux, quoi. Voilà. Tout ça pour 15 secondes. C'est ça, c'est de moche. Bonheur, c'est de bonheur. Même pas, en plus, même pas. Elle s'en souvient même pas, donc bon, tu vois. Enfin. Bref. Bon, et du coup, y a Laurent aussi, donc bonsoir Laurent. Je pense que tout le monde l'avait entendu, mais je finis ma présentation quand même. Salut Majo, je dis même pas salut à Sei, puisqu'il se barre. Donc. Mais non, mais je reviendrai, c'est bon. Donc ça va Laurent, t'es en forme? Oui, ça va. Alors pour ceux qui se posent la question, Sei va être papa quand même. Voilà la raison. Voilà. Et oui, c'est ça. Et pour ceux qui se la posaient pas aussi, d'ailleurs. C'est ça, ceux qui s'en foutent aussi, ouais. La majorité, d'ailleurs. Je pense. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va faire un petit point sur les news vite fait. Et Laurent, t'avais un truc à nous dire sur Dreams VR. C'est plutôt un rappel. Dreams VR, depuis le temps, on doit en être à notre 10e article sur Dreams. Parce qu'on le suit, celui-là, depuis je sais pas combien de temps. Et c'est juste pour rappeler que donc la version VR avance. Hein. On avait été en contact avec Abby, alors je sais plus comment elle s'appelle, Abby Hype, je crois, de Media Molecule, qui nous avait bien confirmé que la version VR était en cours de développement. Donc il y a à peu près 2-3 mois, ils étaient en plein dedans. Ils avaient d'abord privilégié le lancement du jeu avant de s'occuper de la version VR. Petit rappel, c'est qu'il y a 2 ans de ça, ils avaient déjà communiqué sur une version VR de Dreams. Donc c'est un jeu qui est, on sait qu'il arrivera un jour en VR, mais on l'attend sans plus l'attendre. Un petit peu depuis longtemps quand même. Voilà, il y a des moments. On est même à se poser la question s'il va sortir sur PS4. Hein. Si c'est pas vraiment un rêve, voilà. Et donc, ça avance doucement. Hein, donc on savait qu'ils étaient en train de travailler sur la version VR, et là dernièrement ils ont mis à disposition, donc ils ont lancé la bêta test du jeu. Bêta test, c'est la mise à jour réalité virtuelle de Dreams sur PS4. Donc on sait déjà que ça fonctionnera sur PS4. Maintenant, les dates de lancement, tout ça, on n'en sait rien. Alors c'est une bêta test un petit peu particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, où les testeurs vont avoir une fiche à remplir. Donc là, il y a quand même pas mal de contraintes, parce que c'est des bêta tests qui vont se passer en streaming, vidéo. Ça a l'air d'être assez professionnel quand même. Voilà, avec les équipes directes, avec les développeurs, qui va se passer en 3 phases. La phase 1, ce sera une séance d'introduction d'une heure. Donc ce sera une conférence vidéo avec les développeurs de Media Molecule qui était hier. Donc c'était le mardi 2 et le mercredi 3 juin. La deuxième phase, c'était 2 semaines d'études, donc là où les testeurs avaient un questionnaire, et pendant 2 semaines, ils devaient rendre des comptes tous les jours sur les différents les différentes parties du jeu qui devait tester, et la phase finale qui sera le mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 juin. Ce sera encore un streaming vidéo d'une durée d'une heure. Et donc à la fin de ces trois phases, les testeurs qui auront bien rempli, qui auront aidé en fait les développeurs à améliorer le titre, recevront une enveloppe de 200 livres. De 200 livres sterling. Donc voilà, on parle plus euro. Non, on n'a jamais parlé euro avec les Anglais. Bah, pas avec eux, non. Mais... ils sont bizarres, donc, les Anglais. Bon, ça fait 300 euros à peu près. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dreams avance, que sa version VR est non seulement toujours validée sur PS4 par les développeurs, et que là, bah, on commence à avoir du concret, on commence à avoir vraiment une bêta test, donc quelque chose d'abouti en test. Donc ça pourrait arriver en septembre, par exemple, peut-être même avant, je sais pas. C'est plutôt cool, moi je suis vraiment content d'avoir enfin des nouvelles de ce Dreams, même si maintenant qu'on sait que la PS5 est vraiment au bord de nos portes, la version PS4, ça va être bien pour se faire la main, on va dire, pour commencer à bosser dessus, à voir comment le jeu fonctionne, mais ça restera quand même la version... c'est un peu la vision que j'ai, hein. Ça va être un petit peu la version low cost, quoi. Le jeu, on sait qu'il sera aussi sur, enfin, compatible PS5, il sera tellement... Il sera compatible, mais pas optimisé. Tu crois ça? Mais ça, on sait pas trop, en fait, comment va se passer. Il sera sûrement optimisé, mais à moins qu'il l'ait pensé dès le début, mais il a pas été développé à la base sur PS5, si tu veux, donc je pense oui, que... Oui, pour fonctionner avec les limites de la PS4. Attention, mais... parce que Dreams, quand ils l'ont lancé, ils ont clairement dit qu'il avait une durée de vie de 10 ans. Pour Media Molecule, et que c'est pareil, on va reparler de phases, que ça allait se repasser en plusieurs phases. Première phase, ce sera la phase PS4. Deuxième phase, ce sera la next-gen, donc PS5. Mais après, il y aurait même une troisième phase avec la possibilité éventuelle de récupérer les jeux faits dans Dreams dans des moteurs comme Unity ou Unreal. Ça sera bien, ça. Voilà. Et notamment, peut-être des possibilités avec le monde du PC. Donc, ils ont vraiment, ils voient vraiment très loin sur Dreams. Là, on est vraiment que sur un début. Mais je pense qu'après, il va y avoir beaucoup plus que ça. Et ça me fait un peu penser aussi à Disney Infinity ou des jeux comme ça où on avait des bacs à sable où on mettait plein d'objets. Et on s'apercevait que sur PS3, bah, plus t'en mettais et plus t'avais une ligne un petit peu comme dans Paper Beast. Quand tu en mettais trop, bah, t'étais limité, après t'étais bloqué. Mmh. Et quand Disney Infinity est passé sur PS4, le jeu était quasiment le même, sauf qu'à la différence, c'est que tu pouvais mettre beaucoup plus de choses dessus parce que la console était plus puissante. Et là, bah, après, faut voir avec la PS5 comment ils vont, certainement des mises à jour qui vont suivre. Qui vont peut-être alors je pense pas qu'il y aura du ray tracing là-dessus, peut-être que quoique c'est peut-être possible. C'est possible, hein. Mais je pense que ce sera plus au niveau des capacités. En flat, peut-être. Parce que il va falloir tenir un frame rate, surtout si tu fais du jeu VR. Ça aussi, j'aimerais bien savoir comment ils vont gérer le truc, parce que est-ce que ça va pas être encore un pétard mouillé. Le ray tracing en VR, j'y crois pas, moi. Non, mais vu qu'il fait aussi du jeu plat. Mais surtout, moi, c'est de savoir est-ce que ça va être juste un espèce de paint, merde, comment il s'appelle, voilà, Cool Paint VR. Est-ce que ça va être un truc comme ça, ou est-ce que ça va être vraiment, on conçoit un jeu en VR et on y joue avec un casque? Et ça, ah non, je pense que c'est vraiment la conception du jeu. En plus, c'est ce que tout le monde pense. En termes d'ergonomie, il y a pas mieux. Enfin, il faudrait pas qu'on ait encore une surprise. Je peux pas croire ça. Ils peuvent pas lancer une campagne de bêta-testeurs rémunérée comme elle l'est pour un truc aussi peu ambitieux, si tu veux. Enfin, franchement, c'est pas à l'image du jeu que de penser aussi petit, enfin, que de se restreindre à ça. Je pense pas. Ah, ça, c'est une question que je me pose depuis 2 ans. Et donc les deux, en fait. La façon de pouvoir développer le jeu, créer le jeu avec le casque sur la tête, et après de pouvoir y jouer avec le casque. S'ils arrivent à faire ça... Bah, c'est du tout bon, quoi. Bon. Ok. Bon, bah, c'était Dreams VR. En tout cas, bah, je pense que tout le monde l'attend, celui-là. Enfin, tout le monde, il y a beaucoup de monde déjà qui l'a, mais il manque la compatibilité VR. Et ça va être, je pense, quelque chose d'assez impressionnant et d'assez important pour l'avenir de la VR. Clairement. Il y a une petite précision sur Dreams. J'en parlais la dernière fois avec Cyril, qui est quand même notre... on va dire, il aime bien le FPS, il aime bien les jeux tactiques militaires, des choses comme ça. Ouais, c'est un bourrin, quoi. Et c'est marrant parce que, en fait, le problème de Dreams, je crois aussi, c'est qu'il a été énorme. On l'a vu tout le temps avec des images de petits nounours, de petites bestioles. des trucs tout mignons, des trucs un peu colorés, alors que ça reste quand même, on va dire, un mini moteur de jeu sur console. Et quand on voit ce qui est possible de faire avec, le FPS ou des jeux d'horreur sont possibles aussi. Mmh. Donc même si des gens sont pas forcément intéressés par Dreams pour le moment en pensant que c'est juste un truc de créa, si la communauté se développe, il est très possible d'avoir vraiment tous les genres de jeux. Ça commence déjà d'ailleurs. T'as déjà des gens qui ont refait Pity, mais je crois qu'on en avait déjà parlé en plus en podcast. Disons, il y en a qui a récemment refait la démo, on en avait parlé je crois la dernière fois, ouais. La démo de l'Unreal Engine 5. Exact. Donc les mecs, oui, ils peuvent aller loin, ils font un peu n'importe quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Un des plus gros inconvénients de ce jeu, c'est que c'est que des petites expériences en fait. Alors c'est ça qui est bien, c'est que t'en as une multitude, mais c'est pas des jeux complets, si tu veux. Ça reste. Il est possible de faire. C'est pour ça que c'est bien pour la VR, je pense. Mais c'est possible aussi de faire des arborescences de plusieurs niveaux. Tu commences par le premier, t'as un premier chapitre, un deuxième chapitre, un troisième chapitre, etc. Oui, mais bien sûr, mais c'est beaucoup plus long à produire, c'est ça que je veux dire. Le souci, c'est qu'il y a aussi toute une phase d'apprentissage, parce que Dreams, on l'a en bêta depuis, on va dire, un an. Il est sorti depuis quand ? Il est sorti, il n'est pas si vieux que ça, hein, Dreams. Au mois de mars. Tous ceux qui se lancent là-dessus, c'est quand même, il faut le prendre en main, le truc, hein, parce qu'il y a énormément de fonctions. Saint-Valentin, c'est, je me rappelle. Il y a énormément de fonctions dedans. Donc, je pense qu'avec le temps, il va y avoir des petits génies qui vont vraiment s'éclater dessus et qui vont nous faire des trucs poussés. Mais c'est encore un peu tôt pour vraiment avoir des jeux complets. Quand tu vois le temps que ça te prend, tu... Ok, bon bah écoute, merci Laurent, on va passer aux retraités maintenant. Say, tu voulais nous parler d'une rumeur qui est apparue un peu sur la toile. Oui. Il s'agit de Prey VR. Alors oui, alors rumeur, hein. Rumeur, attention, grosse rumeur, à prendre avec des pincettes et avec des gants de sécurité, parce que voilà, c'est déjà arrivé qu'il y ait des détaillants qui crachent des, enfin qui balancent des fuites comme ça, des choses qui ne sont absolument pas avérées, comme par exemple Fallout 4 VR sur PS4. Ça avait été annoncé comme ça, c'est jamais arrivé. En 2017, depuis décembre 2017, l'annonce est faite. Voilà, ça n'arrivera jamais, faut être clair. Mais donc du coup, c'est le détaillant anglais Chop2 qui a par erreur, en tout cas apparemment, pendant quelques heures. Mis en ligne une annonce sur Prey VR. Alors, il n'y avait pas plus d'informations que ça. On sait que Prey, donc c'est un jeu d'Arkane Studio, studio lyonnais ultra talentueux, que moi j'aime d'amour, qui avait fait les Dishonored. Chauvin. Hein ? Chauvin. Chauvin, oui, en plus, ouais, complètement, et j'assume. qui avait fait Dark Messiah of Might and Magic, les Dishonored, des mangeurs de pain au chocolat, quoi. C'est des vrais mangeurs de pain au chocolat pour qui j'ai énormément de respect. Et ils avaient sorti donc aussi Prey sur PS4. J'entends pas. Tu veux que je répète ? Et notamment. Non, c'est bon. Notamment le DLC, enfin l'extension Prey Mooncrash, qui comportait donc un espèce de roguelike FPS en plat. Et il y avait aussi donc dedans Typhoon Hunter, qui était une expérience VR en trois parties. C'était une sorte d'escape game auquel on pouvait jouer, j'avais plutôt bien aimé. Apparemment sur la toile, tout le monde n'a pas apprécié cette expérience là, mais en tout cas elle avait le mérite d'être là et puis de proposer quelque chose dans l'univers de Prey. Et donc voilà, ce Prey VR, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est avéré? Est-ce que ça ne l'est pas? En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi qui adorais le tout premier déjà, qui était sorti je crois dans les années 2000, et le dernier qui est sorti il y a quelques années, qui avait absolument rien à voir au niveau de l'ambiance, mais que j'avais beaucoup aimé aussi. Vous en pensez quoi d'annonce? Est-ce que vous pensez, si vous l'avez fait, que le gameplay pourrait se marier à la VR? Alors moi je l'ai pas fait, donc comme ça c'est clair. Laurent, tu l'as pas fait non plus? Non, je l'ai pas fait non plus. Parfait, super. Ah, c'est bien. Non, par contre, là moi là-dessus, c'est pourquoi on en a parlé, parce que finalement des rumeurs là en ce moment, on peut dire que ça y va par vague. Il y a que ça. Vu que personne parle, et on reste dans la spéculation sur quasiment tous les articles en ce moment, parce que c'est, de toute façon on peut aller sur n'importe quel site. Hein, D'ailleurs on peut parler, juste on en parlera, je te coupe Laurent, tout à l'heure. On peut parler de la conf PS5, enfin la petite miniature putain qui est apparue en annonçant la conf pour demain. Donc on enregistre, on enregistre le 4 et il y a une petite miniature qui est arrivée. Ça ressemble à un gros fake en disant que la conférence ça serait finalement Photoshop. Bah c'en est un. Voilà. Enfin, clairement c'est un fake. Ça a été. Et voilà, on est envahi par ça quoi. Il faut faire le tri. Donc là, ce qui est crédible dans cette histoire, c'est que bon, ben, le revendeur chope tout, c'est quand même... Alors on sait que les revendeurs, c'est déjà arrivé aussi, ont les listings de jeux avant leur sortie, parce que bien sûr, ben, y a tout un travail en amont pour mettre en rayon, pour récupérer, pour passer les commandes. Donc ils ont des listings. Donc on sait qu'ils sont, souvent au courant avant nous, avant tout le monde en fait. Et donc ça, c'est la première partie. On sait, l'autre chose, c'est que pré-VR, comme on disait tout à l'heure, il y a eu pré-Typhoon Hunter qui est sorti en version VR, donc c'était peut-être un test pour justement développer un jeu complet plus tard. Donc ça reste une grosse rumeur à prendre avec des pincettes, mais en même temps c'est crédible. Donc après, l'avenir nous dira si c'est vrai ou faux. C'est crédible, mais faut quand même garder à l'idée, comme je disais tout à l'heure, Typhoon Hunter, c'était vraiment un escape game, c'était pas un FPS, alors que vraiment le cœur du gameplay d'un prêt, on va dire, classique, c'est le FPS. C'est vraiment des fourraillés, t'as quelques énigmes, mais là, Typhoon Hunter, c'était vraiment que des énigmes. Et quand tu joues à Prey, c'est vrai que... Et comme Dishonored d'ailleurs, ça se prêterait carrément bien à la VR, bah, vraiment. Il te balance ça avec l'aim controller, ça va être bien quoi. Bah, si tu prends le parallèle avec Half-Life Alyx et Half-Life Standard, donc 1 et 2, on est quand même sur un peu sur le même genre de problématique. Si tu veux, il a été adoré par certains qui aiment beaucoup la VR, il a été détesté par d'autres en disant que ça n'avait rien à voir avec Half-Life parce que il est aussi adapté à ce que permet la VR, si tu veux. Ça a rien à voir avec Half-Life, Half-Life Alyx. T'as lu ça où, toi? Ouais, y a beaucoup de joueurs qui ont dit que parce que c'était en VR, ça avait rien à voir avec l'original. C'est ce que je veux juste te dire, c'est que j'ai l'impression que tu as beaucoup de puzzle games qui sont axés parce que c'est de la VR. Une chose que tu n'aurais pas eu si c'était le Half-Life normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je crois pas. En fait, c'est que ça reste des adaptations de gameplay en VR. Voilà. Mais justement, quand tu joues après, et ça je le redis, c'est quand même Dishonored, à part les phases en gravité zéro, en plus, même sur écran plat qui te chamboule bien, qui sera un petit peu compliqué en VR, sinon tout le reste du jeu, franchement, le gameplay, il s'adapte vraiment très bien à la VR. Les phases en gravité zéro, on a déjà vu ça en VR plusieurs fois. Ouais, hein. Non, mais celles-là, elles sont vraiment, on va pas dire labyrinthiques, mais en fait, même sur un écran plat, même si quand t'essayes de garder tes repères, le jeu fait tout pour te mettre la tête à l'envers, pour te perdre complètement dans l'espace, même si t'es à côté de la station orbitale. Enfin, moi, perso, j'ai eu vraiment beaucoup de mal sur ces phases-là, et j'imagine qu'en VR... T'as eu du motion sickness sur du plat. Non, sans aller jusque-là, non, non. non, mais c'est vraiment le côté, tu vois, là, t'es perdu dans l'espace, quoi, vraiment. Donc, il y a juste ces phases-là, à mon avis, qui risquent d'être un petit peu compliquées en VR, mais sinon, du reste, le gameplay est bien adapté pour la VR, enfin je pense. En tout cas, moi, ce genre d'annonce-là, même si c'est que de la rumeur, même si c'est très certainement une connerie, ça me fait rêver. Ça t'intéresse, quoi. Ça me fait rêver, carrément. Bah, c'était important d'en parler. Parce que en plus c'est Bethesda, on sait qu'ils c'est pas des rigolos réalité virtuelle, mine de rien, lancement. C'est un des gros studios qui est quand même depuis le lancement avec Ubisoft. Au lancement, je te dirais. Oui, maintenant, oui. Ils se sont calmés, mais je veux dire, en gros studio, à part Ubisoft et Bethesda, on n'a rien eu, quoi. Ouais, mais après, pas mal de petits studios. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est important d'avoir des noms comme ça qui aient fait des jeux. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, il y a eu une année où ils nous en ont sorti trois d'un coup. Hein. Ils nous ont sorti Doom, ils nous ont sorti Skyrim, ils nous ont sorti, je sais plus ce qu'ils nous ont fait d'ailleurs. Fallout sur PC. Et puis, l'année suivante, ils sont un peu plus calmés avec Wolfenstein et puis justement cette mise à jour près Typhoon Hunter. Et puis, la troisième année, qui est celle-là, pourquoi ne pas en faire un seul? Donc ça reste encore crédible, sans être sûr à 100%. On le sait maintenant. Voilà, on est informé qu'il y a ça. On garde un œil dessus et puis on verra bien. En tout cas, donc juste pour terminer, Prey Arkane Studio, si tu nous écoutes, si tu fais Prey VR, moi je vais chez le boulanger, je prends les meilleurs pains au chocolat de Lyon, je viens dans vos locaux et je vous les offre. Voilà. Ils vont être dégueulasses. Mais non. Ne serait-ce que par le nom, ils sont pas bons. Attends, pain au chocolat de Lyon. Ouais, bah la capitale déjà, c'est pas, de la gastronomie, c'est pas cohérent, ça marche pas. Bref. Bon, enfin, en tout cas, merci Sey pour cette présentation. Avec plaisir. De la rumeur sur Prey VR, donc un jeu à suivre de près. Voilà. Oh là là, là. qu'est-ce qui m'arrive? Joli. J'ai fait des jeux de merde. Bravo. Ah, t'es mûr là, t'es bon. Sey sort de ce corps. Du coup, bah maintenant, ça va être au tour de Laurent encore. Alors moi, ce soir, c'est moi qui anime, donc je parlerai pas beaucoup. Je suis moi trop aussi, concentré on sur ça. On posera des questions aussi. Donc maintenant, Laurent, alors on va passer un petit peu rapidement sur un sujet qui concerne un peu l'actu passé. Il y a eu le Covid, donc on en sort, mais ça a quand même donné des idées à certains. Et là, tu vas nous parler de l'AVR au service de la culture, Lolo. Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Alors, on a fait un petit dossier cette semaine sur ce sujet parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont passés justement tous en même temps. On avait déjà fait, il y a quelques temps de ça, c'était même en octobre 2017, c'était en octobre 2019, mais le brevet était d'octobre 2017. Et on avait parlé d'un brevet justement où Sony était en train de travailler sur une façon de streamer de la réalité virtuelle. On sait que c'est très très très difficile. Alors déjà, arriver à faire de la réalité virtuelle dans du cloud gaming, on sait déjà que Shadow, on galère pas mal et travaille là-dessus en ce moment pour essayer d'y arriver, parce que c'est pas les mêmes ressources qu'il y a besoin, parce que ne serait-ce qu'on est en 3 dimensions, qu'on est à 360 degrés. Donc là, c'est encore un niveau au-dessus, on va dire, parce qu'ils sont en train de travailler sur une façon, non seulement un 360 degrés balancé en streaming, ou dans lequel on mettra un casque et puis on sera à 360 degrés, ça va bien plus loin. C'est carrément une salle virtuelle dans laquelle tu as ta place attitrée, donc tu payes ton billet, tu vas à ta place, et la personne qui aura acheté le billet à côté de toi, elle sera à côté de toi en réalité virtuelle, et avec une possibilité aussi de te déplacer dans la salle directement avec ta DualShock ou ta DualSense certainement. Donc tu pourras toujours être le mec relou qui va faire pipi en plein milieu d'une séance. C'est ça. Voilà, qui va, même en VR. Qui va parler fort, qui va parler fort en plein. Qui passe à travers l'écran, là, qui nous emmerde. Donc ça, c'était ça. L'intro, et bon, bah, ce brevet, nous, on en avait parlé, et puis alors là, c'est la semaine dernière, ça a été, ça a éclaté de partout, parce que, ne serait-ce que Epic Games, qui a encore fait parler d'eux, en plein déconfinement, suivi du concert astronomical de Travis Scott, qui a rassemblé quand même 12 millions de personnes sur 4 soirs, c'est ça, sur 4 ouais, il me semble que c'est 4 ou 5 sessions différentes. Ouais. Voilà. Donc, ce qui est énorme, et donc, forcément, Travis Scott, il a fait un carton plein parce qu'il a réussi à réunir 12 millions de personnes pendant un confinement, alors que toutes les salles du monde sont bloquées. Il arrive à avoir une telle visibilité. Une chose importante, enfin pour moi, c'est que ça porte un nom, ça maintenant. Ça s'appelle le métaverse. Exact, oui. Donc ça commence à être nommé. Moi je l'avais jamais entendu. En tout cas, ça commence à être nommé. Métaverse, on en parlait déjà. On en parlait beaucoup dans tous les jeux sociaux. Quand on avait parlé de, alors je sais plus les noms. Ouais, PlayStation Home. Ouais, c'est ça. Bah voilà, tous les PlayStation Home VR, tous ces trucs là. Tous ces PlayStation Home like. Ou Second Life. Donc voilà, c'est tout des, on va dire que c'est des métavers, c'est des univers. C'était vraiment des univers où tu ne faisais que ça, si tu veux. C'était uniquement de la partie sociale. Là, en fait, tu as la partie jeu, du coup Fortnite, et à laquelle vient se greffer une partie sociale. C'est ça. Et donc, Epic Games ont décidé de ne pas s'arrêter là parce que ils ont carrément dit maintenant qu'on a fait le concert, maintenant on va faire une salle de ciné. Donc on sait que c'est pareil, c'est compliqué pour les salles de cinéma en ce moment, parce que c'est sûr, quand on enlève 4 sièges, quand on ne garde qu'un seul siège sur 4, il va pas y avoir grand monde dans les salles, et ils savent pas trop comment rentabiliser. Et ça a donné aussi également des idées à des réalisateurs et des producteurs de cinéma, notamment Christopher Nolan, et donc ils vont diffuser, alors tu m'as dit le titre du film tout à l'heure, je me rappelle plus du titre. Tenten, non ? Moi non plus. En fait, Tenten. Ouais, il me semble le prochain Christopher Nolan qui sera diffusé sur Fortnite prochainement. J'ai pas noté la date. Donc bon, voilà. Ça va être spécial. Hein. Et donc, suite à ça, on savait donc déjà que Sony travaillait là-dessus. Epic Games ont fait le premier pas parce que c'est vraiment, on veut dire que c'est une grande première. Tenet. Ouais, Tenten. C'était pas Tenten. T'es pas net ou Tenet ? Je suis pas sûr. Donc. Et suite à ça, c'est carrément le directeur Kenichiro Yoshida, le directeur de Sony, qui a pris la parole et qui a dit que pour lui, en fait, donc je le cite, il a dit « Le défi est de produire des concerts en live qui soient à distance tout en étant immersifs et se déroulant en temps réel. Nous étudions le streaming en VR, mais la clé du succès est de parvenir à simplifier l'expérience. » Donc là, il parlait vraiment du PlayStation VR en tant qu'objet, en tant qu'outil, pour permettre justement, et c'est la première fois que Sony aussi parle précisément du mot streaming en VR. Bon, il y a eu le brevet en 2017, mais bon, ça y est, cette fois, c'est carrément le directeur de Sony qui a clairement dit qu'il croyait en cette chose-là pour la VR, pour éventuellement pour le PSVR. Ben avec tous les artistes Sony Music, j'ai envie de te dire qu'il y a besoin de faire un petit mix des deux sociétés là. Et puis doublement, parce que Sony c'est aussi des studios de cinéma, donc ils sont vraiment dedans quoi. Oui, en plus. Donc là c'est clair que. Enfin la partie ciné pour l'instant, le PSVR elle est quand même l'expérience est quand même pas géniale. Avec le recul. Non. Avec le recul, ça fait. C'est quand même moins qualitatif. C'est un écran 1080p de toute façon, donc comme on dit toujours, il faut avoir. J'espère qu'ils amélioreront ça et puis qu'ils nous mettront un petit big screen like, ou voire même big screen directement sur PS5, ça serait bien. Il serait temps. Enfin, hein. Oui, il serait temps. Parce que là, c'est vrai qu'il arriverait maintenant. Ouais, mais bon, il y avait toujours ces problèmes de droits d'auteur là. C'est ça. C'est toujours la même chose. C'est compliqué. Qui bloque. Ouais. C'est con, hein, de voir. Non, mais bon, par contre, plutôt que de rien faire, effectivement, si Sony décide de compenser et de faire son propre truc là-dessus, ça peut être vraiment très intéressant. Ils ont un catalogue de films conséquent, donc ils peuvent très bien mettre tous les. Ils en parlent. Tous les Sony Pictures. Ils en parlent pour le moment. Je suis pas. Moi, voilà. J'imagine pas trop Sony, justement, commencer à mettre ça en place alors que. Le PSVR commence à être pas mourant parce qu'après il va certainement revivre avec la PS5, mais en tout cas on l'espère rendre déjà le marché de la VR pérenne pour la prochaine génération. Et une fois qu'il y aura un certain nombre de joueurs et un certain nombre de spectateurs, surtout avec la nouvelle génération, voir comment ça fonctionne. Et là à ce moment-là ils mettront un service qui pourront leur apporter encore plus de pognon, plus solide. Plus solide, mais pour le moment, en tout cas, ça reste une chimère. Enfin, pour moi, perso, je vois pas le truc arriver l'année prochaine. Il faut pas oublier non plus que le PlayStation Now avait quand même quelques soucis liés au serveur Amazon, ce qui a poussé Sony à passer aussi chez Azure. Ça, il y a trop de contraintes comme ça. Tu vois, même technique comme voilà. Qui donc là, c'est quand même du streaming. On a un environnement VR qui sera la salle, mais on reste sur du streaming classique sur l'écran. Mais il faut quand même une certaine résolution. Donc comme tu dis, oui, ouais. C'est vrai que ça serait plus logique sur PSVR 2. Surtout que le lancer maintenant, de toute façon, ça aurait pas de sens parce que ça serait un gouffre financier. C'est clair. Voilà. Et donc, le dernier petit point qui est intéressant, qui s'est passé aussi la semaine dernière, c'est le Tokyo XR Meetup, donc qui a rassemblé quatre personnalités de l'industrie de la réalité virtuelle, dont Shuhei Yoshida qui représentait Sony. Il y avait aussi Naoto Kato, donc c'était Ewa. Et il y avait aussi des développeurs et un industriel aussi qui fait des casques pour des téléphones mobiles, et ils se sont retrouvés autour d'une table pour parler en direct justement de la réalité virtuelle et du monde du spectacle et de la distanciation sociale qu'il y a en ce moment et comment la VR pourrait arranger ça. Donc il y a eu une table parlante là-dessus qui s'est déroulée il y a 2-3 jours quoi. Donc ça devait être le 1er juin, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'en ce moment Sony voilà, ils travaillent là-dessus. Ça brainstorm. Il y a rien de concret, il y a rien de prévu pour l'instant. Mais c'est ça le problème. C'est quelque chose qui pourrait arriver. C'est ça le problème, c'est qu'il y a rien de concret. On n'y arrive pas. Faut laisser le temps, je pense. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est une question de temps, tout simplement, une question de technique. Ouais, aussi, bien sûr, mais on en a déjà parlé en plusieurs fois. Mais tu vois, les débits internet, tout le monde n'est pas logé à la même ancienne à ce niveau-là. Le prix des casques. Le nombre de possesseurs de casques, que ce soit sur PC ou sur console, le fait que tu aies des grosses entreprises qui soient encore frileuses à rentrer dans ce marché-là, voilà, tant que ça sera pas, tant qu'il n'y aurait pas une maturité du marché, ce genre de proposition-là, j'espère que ça arrivera pas trop tard, mais en tout cas, ça va mettre du temps. Hein. Ça met du temps. Je pense pas que ce soit trop tard. Il est jamais vraiment trop tard. Et puis... Franchement, regarder, faire du cinéma à la maison ou regarder un concert à la maison avec, enfin, en réalité virtuelle, je pense que c'est moins long déjà que de faire un jeu, de faire une session de jeu. Mm. C'est moins fatigant parce que tu restes toujours assis. Moi, le seul inconvénient que je verrais à ça, c'est le confort. Je sais pas si tu t'es déjà assis dans ton canapé avec le PSVR calé sur la tête, mais au bout d'un moment, tu sais, ça, enfin, si t'as un coussin derrière la tête, ça tape un peu. Ouais. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt ça, parce que bon, en VR, on joue debout, donc on n'a pas vraiment cette contrainte. Enfin, c'est rare les jeux où, enfin, où moi je joue assis. Mais moi, c'est plus vraiment le confort du casque qui, pour moi, serait un frein à ce genre de service. D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, de toute façon, c'est une excellente. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. À mon avis, c'est ça qui va faire que ce genre de truc n'arrivera pas avant une prochaine génération de casques. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'avec des casques comme le Quest, c'est devenu pratiquement. C'est trop facile de se connecter et de regarder une vidéo à 360 degrés tranquillement installée. On a déjà plus tous ces fils que moi je peux pas mettre dans mon canapé parce que le fil est trop court. Donc, rapproche-le. Ouais, mais je vais pas bouger le canapé pour jouer au PSVR. mais bon, ça va évoluer. Mais je sais pas si vous vous rappelez, quand Sony a annoncé aussi qu'il serait pas présent à l'E3 2019, ils avaient déclaré suite à ça, ils avaient dit actuellement, nous étudions des manières à la fois nouvelles et familières pour répondre aux attentes de notre communauté. Et là, ils avaient précisé, nous étudions l'ensemble de nos événements et réfléchissons à la manière dont nous pouvons nous adresser encore plus directement à nos fans. Donc on sent qu'il y a une volonté d'innover, et c'est peut-être une des pistes qui est vraiment suivie. C'est certainement une des pistes qui est évoquée en ce moment. Quoi. On espère. Bah, Jim Ryan, il a un peu fait la même chose là dans sa dernière interview ou l'avant-dernière interview qu'il avait faite, en disant qu'ils essayaient de trouver un moyen. Quand même on a spéculé sur ça en se disant attends, ils vont nous le diffuser en VR pour qu'on soit plus proche. Mais il a refait un peu le même type de phrase en disant que bah il cherchait un moyen pour que sans conférence ça soit un peu perçu comme une conférence. C'était ça, il a précisé vous ne serez jamais aussi proche de nous. Ouais, c'est ça. Alors pour un joueur lambda qui connaît pas la VR, bon bah il va se dire ça va être une émission de télé sur des canapés, mais pour un joueur VR ça a un tout autre sens, être aussi proche de quelqu'un, parce qu'on sait que dans Rec Room ou dans des trucs comme ça on peut être très proche. Donc c'est vrai que pour un joueur VR ça nous a tout de suite fait tilt, on a dit putain ils vont diffuser le truc en VR quoi. Après, mais d'ailleurs ils ont fait ils l'ont jamais fait ça je crois de mémoire, mais ils ont carrément créé un événement sur les consoles PS4 pour le reveal de ce soir du coup. Mmh. Mais qui n'est pas ce soir. Il n'est pas ce soir. Dans 5 minutes, les gars, on y aurait été. Il enfonce le couteau. C'est ça. En plus, on avait prévu plein de trucs. Je suis dégoûté. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être une grosse émission. Retransmission internationale. La technologie VR 360 degrés en streaming, elle existe et elle fonctionne. Après, c'est sûr que si t'as 15 mégas. Ben voilà. Tu vas pleurer. Si tu balances du 1080 en 360, les types, ils vont avoir des gueules de Minecraft. C'est bien d'en parler, de faire des réunions entre grands patrons pour essayer de mettre ça en place. Il faut après qu'ils soient ultra calés dans leur fiche de, non pas une fiche de suivi, mais dans ce qu'ils prévoient de faire et tous ensemble, et que l'offre déjà dès qu'elle arrive soit vraiment béton. Parce que je me souviens il y a quelques années, au tout début de la VR, t'avais pas mal d'artistes qui proposaient des concerts en 360. Ouais. Le violoniste. Et alors mais je parle même pas de ça. Le truc du violoniste, mais c'était magnifique ça. C'est Joshua Bell, je crois. Joshua Bell. Ça, ouais. Et toi, par exemple, t'avais des artistes comme Sepultura ou t'avais Björk qui proposaient. Enfin, Sepultura proposait carrément des concerts en fait en bulle 360, mais voilà, qualité YouTube, donc dégueulasse. Et j'en avais regardé un comme ça, et putain, mais si tu rajoutais une bonne définition, ça pourrait super bien fonctionner. Maintenant, tu vois, ils le font moins. Ça, ils l'ont fait il y a un an. Ils en ont même fait plusieurs. Maintenant, ils le font plus, tu vois, parce que l'offre, peut-être que les gens le regardaient pas suffisamment, l'offre était pas suffisamment solide pour que ce soit suivi et que ce soit intéressant. Voilà. Franchement, moi je l'ai essayé une fois, c'était dégueulasse. Hein. Mais c'est dégueulasse à cause de Ziri VR que j'avais essayé, je crois, ça s'appelle. La 4K, ça marche, hein, c'est propre. À cause de la définition, mais voilà, justement, quand tu auras une possibilité de faire du streaming vraiment en ultra haute définition avec des casques peu encombrants et avec un service et une proposition d'artistes, de plusieurs artistes, et quelque chose vraiment de caler avec une bonne offre intéressante. Si l'idée se délie un petit peu, ben malheureusement ça va faire flop quoi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'espère que ça sera pas trop tard justement. J'espère qu'il n'y en aura pas qui iront tout seuls et qui vont se planter et que ça va démotiver les autres. Bah ouais, techniquement, on sait que Stadia il peine quand même à balancer de la 4K 60 FPS. Là, quand on parle sur de la VR comme ça pour de l'événementiel, c'est du streaming, donc c'est chaud. C'est du live streaming. Ouais, mais tu restes quand même assis. Tu n'as que la tête à bouger, si tu veux. Donc tu restes quand même sur un plan. Ah, tu pourrais balancer du 180 degrés. Alors 180 degrés. Non, c'est nul ça. En 4K, ça serait. Ouais, pourquoi pas. Ouais, mais c'est nul. Franchement, c'est pas bien. C'est bien. 180 degrés, c'est vachement bien. Ah, c'est pas bien. Non. Ah si. Ouais, j'avais vu moi. Enfin, si t'es sur. Alors ça dépend ce que tu fais. C'est sûr que si tu fais un événement où il faut te tourner dans tous les sens, mais si tu regardes un spectacle, quand t'es dans une salle, tu te tournes jamais le dos pour aller voir le. Si t'es avec un pote et que ton pote il est derrière toi. Ça dépend. Pink Floyd, ça se passait sur scène et derrière. Quand vous allez au ciné, vous passez tout votre temps à regarder derrière. Bah non, mais si le but, comme tu le disais au début, bah non, parce que tu t'assois toujours à côté de ton pote, mais là, c'est plus ou moins toi qui choisis ta place. Mais si le but, comme tu le disais au début, c'est de créer des liens, tu vois, enfin, de rassembler un peu sur ce genre d'événement, le 180 degrés, ça casse totalement ce truc-là, quoi. Si t'as la capacité de balancer de la 4K en 360 degrés, tu balances du 180 degrés en 4K, mais en 3D, ça sera pas plus lourd que le 4K 360. Mais vu que ton image est divisée par deux, et au final, ça peut être intéressant pour tous les théâtres, éventuellement du concert, du cinéma. Surtout le concert. Après, par contre, c'est vrai que si tu dois être dans un musée, là, il faut taper du 360. Quoi. Après, il y a d'autres événements qui se prêteront plus au 360. Mais encore faudrait-il que le streaming arrive à balancer de la 4K 60 FPS. Et quand je dis 60 FPS, je suis gentil parce que je dirais même du 120. Mais vraiment nickel, quoi. Et le problème, c'est encore un problème de connexion. Ça reste utopique. On n'est pas équipé encore. Ça reste utopique, tout ça. Voilà. Donc c'est là où tout s'effondre et où on se dit, ça sera pas de la VR. Ça sera pas pour tout de suite. Ils vont pas nous balancer une conférence en VR tout de suite. Voilà. Encore une info à suivre de près. Je vais la sortir à chaque fois. De près. Sauf que là, elle est moins drôle. Du coup, attends, tu vas voir à la fin. Encore une info à suivre de PlayStation VR. Tu vas voir à la fin du podcast. C'est complètement nul. Donc du coup, Sei. Oui, bonjour. Une news là que tu nous as soufflé cette semaine, donc qui est toujours pas papa. C'est toi qui non toujours pas non sinon je serais pas là. c'est toi qui nous l'a posé celle-là. Dance Collider. Oui. Ça y est. Oui. Savez que je suis passionné par la danse, bien évidemment, et les jeux de danse c'est vraiment mon type de jeu préféré. Non, je déconne. Hein. Mais il y a encore un jeu de danse qui est prévu bientôt sur PlayStation VR qui s'appelle Dance Collider. Donc c'est un jeu de Emerge Worlds qui est déjà sorti depuis fin de l'année dernière, novembre 2019 sur Steam VR. C'est un jeu qui est plutôt joli, très coloré, très néon, comme c'est la mode en général dans ce type de jeu-là. Et ça va vous proposer du coup de scorer en bougeant vos bras, en vous baissant, au rythme endiablé de musique électro complètement dingue. Et ça me fait penser, moi perso, à un jeu dont plus personne ne se souvient, je pense. J'avais fait le test à l'époque, c'était un des premiers tests que j'avais fait pour VR4Player. C'est Run Dorothy Run. C'est le genre de jeu en fait où on a des espèces de boules lumineuses ou des traits qui arrivent devant nous en face et puis avec les moves faut bouger les bras pour pouvoir scorer et être le plus précis possible. C'est vraiment ce genre là sur PC aussi. Il y en a deux que j'avais essayé, un qui est très très bon dans ce genre là, c'est Synth Rider, qui est très bien, qui a une musique qui tabasse avec une bonne ambiance. L'autre avec les flingues là. Pistol Whip. Ouais, mais là je te parle. Non, non, pas Pistol Whip, celui qui est sorti avant. T'as un flingue bleu, un flingue jaune, tu sais, où il faut en fonction des cibles. Oui, et qui se joue au 3D Reader aussi. Non, c'était pas Chromagun. Chromagun, c'était des énigmes. Je sais plus comment il s'appelle. Beat Blaster. Beat Blaster, ouais. Ah. Mais là, c'est vraiment pas avec des flingues. Là, c'est tu bouges tes bras pour scorer. Et t'avais aussi sur PC Wave Circles aussi qui me faisait pas mal penser à ce genre-là. C'est vraiment maintenant un type de jeu à part, de jeu de danse, qui fonctionne tous à peu près de la même façon. Donc c'est ta ligne en fait de rythmique et de mélodie qui arrive devant toi, et toi tu dois être le plus précis possible. C'est un petit peu comme les jeux de l'époque, Rock Band ou des jeux de ce genre-là, de rythme et de musique. Sachant qu'il y a des petites options là sur ce jeu Dance Collider, apparemment quand tu te baisses ça change la fréquence du son, ça peut influer un petit peu sur ce que t'entends. Donc à voir, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est le genre de jeu qui te fait grave transpirer, donc on sait que ça va bientôt arriver, comme les grosses chaleurs. Et bon courage pour ceux qui vont le tester pour cet été, parce que ça va être bien hardcore. Ce qui est sympa aussi, c'est que t'as une petite histoire au mode solo. Oui, t'as un petit. T'as vraiment un petit background, donc ça aussi c'est pas mal pour un jeu de rythme. Ça aussi, c'est pas souvent. Ouais, parce que c'est même jamais. Si, bah Dance. Run Dorothy Run, t'avais un petit. Bah, c'était le magicien d'Oz, donc t'avais un petit. Ah d'accord. Scénar vite fait avec beaucoup de blabla d'ailleurs. C'est un peu chiant. Mais là non, c'est un monde futuriste, 24e siècle. Avec des transhumains qui sont nourris par une intelligence artificielle qui s'appelle Uriel, tout ce qui est de l'art. Un background un peu cyberpunk. Voilà, c'est de la répression de la part de cette IA, parce que pour elle c'est du gaspillage d'énergie, donc forcément, bah, toi jeune joueur comme t'es un petit rebelle, et ben t'as envie de bouger ton popotin pour faire chier l'IA et puis sauver la musique qui est interdite, et voilà, sauver la musique, et puis voilà, parce que l'art c'est un petit peu tout ce qui nous reste pour sauver le monde, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais en tout cas il a l'air très joli. Un truc qui m'a marqué moi, c'est les commentaires sur Steam, déjà la note, parce qu'il a eu il y a pas beaucoup de commentaires. À mon avis, c'est sûr, quand on balance un titre comme Dance Collider, il y a dance dedans et déjà ça peut freiner. En fait, le nom de Beat Saber revient sur 90% des commentaires qui sont sur Steam. C'est le premier truc qui m'a marqué. Parce que c'est le plus connu. Le deuxième truc, c'est qu'ils disent tous que Beat Saber, bah, c'est bien sympa parce que tu bouges les deux bras et puis tu coupes tes petits cubes. Même sur des parties très compliquées de Beat Saber, sur les modes ultra ou de Beat Saber qui sont compliqués, ça correspondrait à un mode moyen sur Dance Collider. Parce que justement dans celui-là apparemment c'est tout le corps qui bouge, et en 2-3 sessions t'es trempé quoi. C'est vraiment du cardio. Ouais, ce que j'allais dire, c'est vraiment un jeu qui est aussi axé sur la partie physique, entretien physique. C'est très physique apparemment. Mais tu vois, alors moi je vais faire un petit reproche à ce genre de jeu. C'est très désagréable à jouer avec le casque. Bah en plein été. C'est très compliqué. Je sais pas d'ailleurs si vous avez. Je sais pas si vous avez testé des jeux de danse, mais vraiment spécifiques. Je parle pas de Beat Saber. Ou même. Alors moi, c'était pas un jeu de danse, c'était Gorn. C'était Gorn, ouais. Ouais, et encore Gorn, tu peux te faire des pauses entre. J'ai fait Space Channel 5. Oui et non. Hein. Enfin, tu fais une pause dans Gorn, tu t'as vite fait de te faire buter et de recommencer, quoi. Parce que c'est vraiment le genre de jeu, et je comprends, c'est assez désagréable avec le casque sur la tête, parce que forcément, bah, tu transpires, hein, t'es humain. Et très vite, en fait, tu sens que tu peux pas t'aérer le crâne, quoi, pour ce genre de jeu. Ouais, et puis t'as la buée qui arrive, ouais. et puis, enfin voilà, et puis pour peu que tu sois dans une pièce fermée, t'as ta PS4 qui chauffe, non, c'est vrai que malheureusement, là, avec les conforts actuels, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, avec le confort actuel, t'as certains types d'expériences qui sont plus désagréables que d'autres, quoi. Et c'est vrai que les jeux où t'as un peu trop de rythme, des fois, ça peut être compliqué, quoi, bah, si tu veux faire de longues sessions. Ça peut être sympa, mais il faut les sortir en novembre. C'est ça. Faut pas les balancer en juillet. C'est ça qui est bizarre. Ça tombe bien, il est sorti en novembre sur Steam. Oui. Mais voilà. Imagine un jeu comme ça qui déboule en juillet, bah, tu y pètes. Hein. Bah après, je suis pas fan de ce genre de jeu. J'arrive à me prendre un petit peu dans l'ambiance quand la musique est bonne. La musique a l'air plutôt sympa sur celui-là. Moi, je le répète, hein, je vous conseille vraiment Synth Rider si vous avez un casque sur PC. Les musiques, elles sont vraiment démentes. Mais faut pas balayer du revers de la main ce type de jeu là, parce que ça fonctionne bien quand même sur VR, et surtout quand tu te prends au jeu et quand tu commences vraiment à tomber dedans, bah c'est bien, même pour jouer avec ta copine, si elle aime bien, si elle aime bien bouger, si elle aime bien l'ambiance. Ouais, y a d'autres solutions. puis t'as pas besoin de mettre deux casques, ouais. Puis après t'es emmerdé pendant des années, ouais, donc c'est bon, merci. Hein. Ouais, mais là c'est pas Beat Saber. Là. Bref, donc oui, je défends quand même ce type. Je viens de la comprendre. je défends quand même ce genre de jeu-là qui est pas ultra confortable, mais qui fonctionne bien et qu'il y a que la VR qui peut proposer ce genre d'expérience. Eh ben, voilà. Bah tu vois, c'est marrant parce que je vais rajouter un truc sur ce que je vais surenchérir même. Je dirais même plus. Alors moi, je dirais même plus. Moi, en général, c'est plus les jeux Astrobot, les petits jeux un peu mignons, ou alors carrément les trucs un peu violents, vraiment horreur. Voilà, c'est les deux styles que j'aime bien. Jusqu'à présent, j'avais légèrement testé Beat Saber, mais je l'avais mis de côté. Et pendant le confinement, justement, on savait pas quoi faire. Donc j'ai dit à mes enfants, bah allez, on va se faire une compète de Beat Saber. Et ben au final, c'est des machins, tu les attaques, tu peux plus t'arrêter. Quoi. C'est ça, c'est super addictif. Et tu comprends le succès de Beat Saber. Tu te dis, c'est clair que c'est simple, mais ça fonctionne à merveille. C'est pour ça que il m'a fait tilter celui-là, parce que quand j'ai vu sur Steam, aller faire un tour sur Steam, aller voir les critiques. Vous allez voir qu'il y en a même beaucoup qui disent qu'il est même mieux que Beat Saber. Donc, je suis curieux. Quoi. C'est différent. Mais après, faut pas se leurrer. Hein. Ce qui fait, allez, je pense, quasiment 80-90% de l'intérêt de ces jeux-là, évidemment, c'est le mouvement, mais c'est surtout la musique. En fait, si la musique est bonne, oui, si t'es emporté dedans, ton niveau, il a beau durer 5 minutes. T'es à fond pendant 5 minutes. Hein. Mais j'ai envie de te dire que c'est très important sur beaucoup de jeux. Enfin, moi, j'y accorde vraiment beaucoup d'importance. Je pense que je l'ai déjà dit, mais tu vois, Gorn, ça m'a un peu emmerdé. Je l'avais même dit pour le test à Laurent, parce que y a pas de musique. Il n'y a pas de musique de fond, en fait. Mmh. Et du coup, ça nique l'ambiance, tu vois. Et je lui ai dit, franchement, pour le test, déjà, je vais trouver ça nul à chier. Enfin, t'auras juste les bruits des mecs. En fond sonore que j'ai très très bien fait d'ailleurs pour mon test. Oui, oui, c'était bien. C'était criant de vérité. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage, parce que la musique, c'est aussi très important dans l'ambiance d'un jeu, quoi. Et ça aide vraiment à se sentir dedans, quoi. Donc c'est tout pour Dance Collider. Là, il y a 45 chansons de l'artiste F777. Je sais pas si vous savez qui c'est. Ah, ce fameux F777. Je connais pas. Bon, voilà, il y a 45 titres. Voilà. Bientôt qu'on est. C'est très techno. Ouais, mais ça marche bien. Ok. Ouais. Bon, ben. Et donc, je voulais rajouter aussi que. Bon, non, mais ça, garde-le pour la fin, ça. Donc, écoutez, parce que vous êtes deux. Écoute, pardon. Plus les auditeurs. Maintenant, on va faire la partie test avec. Qui c'est qui commence? Bah, c'est Saï qui va commencer. Ah bon? Je devais parler de quoi, moi? Avec. Iron Man VR. Iron Man VR, effectivement. Alors, c'est pas vraiment un test, mais bon, c'est plus les impressions sur la démo, puisque la démo est sortie la semaine dernière. Ouais, à peu près. On va pas donner la date exacte, parce que on s'en fiche. De toute façon, c'est déjà passé. Alors déjà, si vous l'avez pas faite, allez-y, hein, téléchargez-la. Faites-la. Commencez par ça, parce que c'est rare quand t'as des démos VR gratuites et pour des jeux qui sont attendus. Donc profitez-en. Ouais. Surtout que ouais, c'est une grosse production à venir. C'est peut-être même, si je dis pas de conneries, une des dernières qui va arriver sur PS4 et sur PSVR. Donc ça sera un petit peu dommage de passer à côté. Donc oui, Iron Man VR, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un super-héros de l'écurie Marvel qui s'appelle donc Tony Stark, de son vrai nom. Prénom Iron. Iron, Monsieur Man, voilà, Monsieur Man. Et donc Tony Stark, qui est, je pense, la plus grosse ordure qui puisse exister sur Terre, vu qu'il a fait tout son pognon, il a pris tout son pognon en vendant des armes dans certains pays, donc voilà, une sous-merde. Je déteste ce personnage, voilà, je tenais à le dire déjà. Je l'adore, moi. Je l'adore. Au début, parce qu'après, mais tu le détestes, mais moi je l'adore, mais je rappelle quand même qu'il a aimé l'épisode 8 et pas moi, et moi je préfère l'épisode de Star Wars. De Star Wars, pas de Iron Man. donc voilà, alors Iron Man VR, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu qui va sortir le 3 juillet prochain sur PSVR, sauf report, et comme on sait qu'en ce moment tous les jeux ont tendance à être reportés pour X ou Y raison. On espère en tout cas qu'il arrivera celui-là à la date prévue. Donc on incarne Iron Man dans un jeu de tir où on se déplace de façon complètement libre sur des maps. Et cette démo donc nous propose les deux premiers niveaux. Le premier niveau étant composé surtout d'une sorte de tutoriel pour connaître les commandes, arriver à se déplacer simplement avec les moves. Le jeu est jouable au move. Et le second, c'est plus de l'action, de la mise en scène, on va dire. Et de l'action et beaucoup de combats. dans un environnement complètement différent du premier. C'est une démo qui se termine au niveau de l'histoire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a à peu près une demi-heure. Oui. C'est ça, ouais. Mais en fait, le début de la démo, enfin, je sais pas si vous avez fait le lien, mais c'est apparenté au tout début de la série Iron Man. En fait, c'est-à-dire qu'il découvre les capacités de son armure. Oui. Et ensuite, gros flashback. Donc, la partie tuto, c'est ça, c'est cette partie découverte dans l'histoire d'Iron Man de la puissance de son armure. Et après, ouais. Et après, t'as un petit passage où ça occulte tout et tu te retrouves dans un avion où t'as ta mallette avec ton armure. Et c'est plusieurs toi, années là, après, ouais. Voilà. Mais je suis bête, c'est quand il nomme Pepper Potts directrice de Stark Industries. Donc ça se situe là au niveau de l'histoire. C'est ça. Alors le premier truc qui saute au visage, c'est que c'est plutôt joli. Faut pas aller trop dans les détails au niveau des décors, ni aller trop près. Quand on commence à se balader, on voit que voilà, c'est pas ultra détaillé, mais de loin, quand on vole, on a des bonnes sensations. La prise en main est... Heureusement, c'est un tuto, donc la prise en main est un petit peu particulière au départ. On va dire que je sais pas si vous avez essayé de jouer assis. C'est impossible, hein, on est d'accord. Non, jamais. Non, j'étais debout. Et... Voilà. Mais pareil. Moi, en général, au PSVR, je joue souvent assis par flemme. Mais là, vraiment, t'es obligé de te mettre debout pour avoir des bonnes sensations et surtout d'être suffisamment libre de tes mouvements pour faire ce que t'as envie. Ça rend pas malade. C'est plutôt intuitif quand tu commences vraiment à maîtriser ces commandes-là. J'ai l'impression que t'es plutôt aidé en fait. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas faire des vrilles. Tu peux pas faire Ouais. Tu peux pas te perdre en fait. T'es toujours vraiment même, debout. Même. Pardon. Vas-y. J'allais dire même quand tu dois aller sur des zones définies là au tout début en fait où tu as les zones circulaires là qui clignotent en jaune en fait quand tu arrives dessus t'es plus ou moins autodirigé et ça s'arrête net, c'est t'as ça, pas besoin ouais, de faire t'es trop aimanté, t'es aimanté sur la zone. Ouais c'est ça. Oui et même sur l'avion d'ailleurs. J'essaie aussi, tu te mets debout sur l'avion et t'as des... Ouais. Donc voilà, niveau grand spectacle, moi ça m'a fait beaucoup penser à... Comment il s'appelle Ah, le jeu Iron Man. Non, Blood and Truth, merci. Merci Laurent, heureusement que t'es là parce que l'hoster là ce soir, je sais pas ce qu'il a. Mais... Catastrophe. Donc ouais, Blood and Truth justement, notamment, enfin sans spoiler, hein, mais voilà, il y a une scène qui m'y a beaucoup fait penser. C'est plutôt joli, même sur PS4 normal. On sait après que c'est une démo, donc forcément le jeu est amené à évoluer lors de sa sortie. Eh ben je sais pas. Mais je l'ai plutôt trouvé pas mal, moi, perso. Eh ben non. Non mais je dis je sais pas parce que c'est une démo oui mais une démo qui pèse 16 gigas quand même. Ouais c'est vrai, c'est ouais. Vrai. Et voire plus parce que il me semble que en fait elle en faisait 20 si je dis pas de conneries. 17. Et je trouve que ça fait beaucoup quand même. Pour le peu qui est oui ça fait beaucoup. Donc est-ce que c'est pas le vrai jeu qui est préchargé? C'est possible. Alors ce qu'il y a c'est que donc la partie histoire que tu peux prendre donc avec les deux premiers chapitres. Ça dure une demi-heure et t'as aussi un autre mode où tu choisis c'est un mode mission il me semble ça s'appelle si je dis pas de bêtises où là tu vas donc sur les mêmes maps que t'as déjà visité et tu t'as plein de robots en fait c'est du scoring tu dois aller dans des zones c'est purement arcade tu voles vers les zones et puis après tu te fights contre plein de robots plein de drones plein de machins avec certains chacun d'entre eux ont ses spécificités pour les combattre. Avec toutes les armes qui sont mises à ta disposition, donc ça rajoute aussi à la durée de vie de cette démo là il faut la tester, il faut voir ce que vous en pensez, si vous supportez suffisamment le personnage pour pouvoir y prendre du plaisir. Moi perso, j'adore Iron Man et déjà ça m'a éclaté d'être dans l'armure d'Iron Man, j'étais comme un gamin. Mais par contre visuellement, je trouve que c'est léger quoi. Pour moi, c'était une démo PS4, c'était pas PS4 Pro. C'est possible ça. J'ai trouvé graphiquement c'est chouette, c'est bien fait, mais ça aliase de partout, c'est pas super. Alors, je dirais pas de partout, ça aliase beaucoup au fond, moi je trouve, mais de partout. Non, les nuages. L'eau est magnifique. Hein. Oui, les nuages. Oui, le reflet bien, du soleil sur l'eau. Il y a des beaux effets de lumière dedans. Tout à l'heure, on parlait de Blood and Truth et on reste sur une démo et ça me rappelle quand on avait essayé la première démo de Skyrim, la première démo d'Ace Combat et la première démo de The Persistence. Et quand on a vu les jeux, on a dit ah ouais, d'accord. C'est pour ça. Et là, Je pense qu'ils vont peut-être nous sortir un truc un peu mieux optimisé. C'est pour ça que je dis, je rappelle que c'est qu'une démo et que voilà, le jeu ouais. ne peut être que mieux, en tout cas aussi bien que cette démo. Attention, je dis pas qu'il est moche. Hein. Si tu l'as dit. Perso, moi je l'avais testé à la PGW. Oui. Et je l'ai trouvé, alors ça fait un petit moment, puisque c'était au mois de novembre, fin octobre, début novembre, et je l'ai trouvé un peu plus joli, moi, sur cette démo. D'accord. Beaucoup plus lisse, plus coloré, plus affiné, quoi. Enfin, je trouvais qu'il y avait plus de détails, enfin, les rochers, tout ça, ça m'avait pas autant frappé la dernière fois. Là, je trouvais ça vraiment... J'ai trouvé ça plus propre que ce que j'avais fait à la PGW. Alors, est-ce que c'est la même? J'en sais rien. Oh, c'est certainement amélioré. Hein. Un autre truc aussi. Oui, de toute façon, pardon. Il améliore. C'est aussi une vieille démo. Je crois que c'est la vieille démo qu'ils avaient essayé, les journaleux, là, à New York, là. Il y a un an de ça, là, un an et demi. Et il me semble que c'est exactement la même qu'ils avaient faite. Donc, non, c'est à Londres. À voir. Est-ce qu'effectivement, c'est pas une vieille démo qui a un an et demi et qui. Et qui va être bien, bien mieux optimisé la prochaine fois. Je sais pas. Et un autre truc, le jeu est entièrement en français. Ça aussi, il faut le dire. Il y a énormément de langues. En français en tout cas. Et c'est juste pas les doubleurs des films. Ça fait un peu bizarre d'entendre la voix de Tony Stark qui est différente de ceux des films de Marvel, enfin Disney. On sait que c'est certainement une question de droit. Ça fait bizarre, mais bon. De budget aussi. Je sais pas le gars qui. Je pense que le doubleur de Tony Stark, il doit pas coûter le même prix que le. Enfin, le doubleur de Tony Stark dans le film doit pas coûter le même prix que le doubleur du jeu actuel. Peut-être, ouais, je sais pas, il fait de la pub aussi, hein, donc. Peut-être, mais après, enfin, moi, la voix en elle-même, c'est pas la même. C'est vrai que c'est un peu perturbant au début, mais bon, ça, finalement, voilà. C'est fait. Oui, ce que je trouve surtout bien, c'est qu'il a la même attitude, il a la même intonation, c'est le. Ouais, le même côté connard, en fait. Voilà, ouais. C'est ça. De Tony Stark. Donc, c'est quand même assez important pour l'ambiance. non, je trouve ça. Il nous mettra à dos tous les fans d'Iron Man. Oh, je m'en fous. Pepper Potts, c'est dégueulasse, par contre. Ah ouais, Pepper Potts. Elle est horrible quand il la récupère. C'est cette tête qu'elle a, là. Et quand tu l'as dans les bras, elle fait peur. Hein. Ouais, grave. T'as pas envie de la sauver. Donc voilà, c'était tout. Iron Man, je te laisse tomber. Ça a l'air bien, en tout cas, ça a l'air d'envoyer du gros et on va voir ce que ça donne. C'est déjà pas mal pour un début. Il y a un truc qui m'a choqué par contre, c'est là où le SSD de la PS5 va nous sauver, les temps de chargement qui te coupent grave. Ah, ça m'a gavé direct. Ça y est, il va se passer un truc. T'es motivé, tu dis allez, je m'avance, je vais faire le grand plongeon de l'avion et tout et plaf. Ah ouais, là c'est le pire. C'est vrai, quand tu récupères l'armure, là, que t'as le casque qui te vient sur le visage, et là, déjà, t'es au taquet, tu te dis, ah, ça y est, je suis en Iron Man, et là, pouf, temps de chargement, retour menu, allez. T'attends 10 secondes, et puis après, tu te remets dans le jeu. C'est vrai que j'avoue que ça casse un peu l'effet excitation. Mais ça aussi, c'est des trucs, à mon avis, dans le jeu final, ça va certainement être un petit peu raccourci. En tout cas, on espère. Ça serait bien. Ça serait bien. Voilà, c'est tout. Ok. Ça, c'est dit. Bon, bah, écoute, on va passer au deuxième test de la soirée. Donc, celui-là, il est pour moi. C'est Hôtel Rock'n'Roll. Yeah. Je suppose que ça s'appelle comme ça, puisque c'est Hôtel RNR. Ouais, c'est un jeu de mots, ouais. Hôtel RNR. C'est développé par Wolfenwood Interactive. C'est sorti le 28 mai 2020 à 19€, 18,99€ sur le store. Donc, un jeu encore bien perché. Qu'est-ce que c'est? C'est encore un petit défouloir, on va dire, assez barré. L'histoire, bah, vous êtes en fait un rocker un peu moisi, quoi, enfin, qui a pas trop de succès, pour ne pas dire pas du tout, qui se produit dans un vieux cabaret un peu lugubre, si tu veux, et puis bah, tu vas te retrouver, je sais pas trop comment d'ailleurs, il y a un bourré, on sait rien, mais il va t'arriver un accident, si tu veux, et puis tu vas mourir électrocuté, en gros, sur la scène pendant ton concert. À ton réveil, tu te retrouves, t'es dans un ascenseur en fait, et puis t'es directement en enfer en face du diable. Et qui va te dire, écoute mon garçon, t'as eu une carrière de merde, mais je peux t'aider. Je peux te donner une deuxième chance et te faire ressusciter. Par contre, en échange, bah, tu vas mettre le P dans le monde, je vais te filer de l'argent pour ça, et puis tu pourras te t'acheter des trucs, quoi. En gros, le pitch, c'est un peu ça. Alors, je pense que ça va plus loin. Il y a un gros bémol à ce jeu, c'est que tout est en anglais et puis c'est pas hyper lisible, quoi. Que ce soit les dialogues ou les textes, c'est que de l'anglais. Voilà, il y a rien d'autre, pas de sous-titres, j'ai rien vu là-dessus. Donc je peaufine encore, j'ai joué 3 ou 4 heures quand même. Et alors, au premier abord, ça a l'air nul à chier. Je fais. Ça, c'est en fait, quand tu creuses un peu, c'est, tu t'aperçois que c'est quand même vraiment de la merde. Pas con et assez intelligent. Non, non, non. donc du coup, je l'ai essayé. Alors, il est compatible 3D Reader, donc ça, on va quand même féliciter les devs pour ça, parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc, il est compatible 3D Reader et PS Move. Donc, j'ai commencé à jouer avec le 3D Reader et je pense que vraiment, bah, c'est pas fait pour moi. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous, mais enfin, moi, ça m'a filé la gerbe. J'arrive pas à me stabiliser, j'arrive pas à stabiliser mes pieds correctement pour ne pas tourner en permanence sur moi-même, en fait. Donc, du coup, bah, j'ai au bout d'un moment, j'en peux plus. Enfin, limite, j'enlève les pieds, en fait, du truc et puis, bah, comme ça se déconnecte après. Bah, il faut que je le recalibre en mettant les pieds dessus. Mais je trouve que vraiment l'aspect précipitation et connexion avec mon cerveau et mes pieds se fait pas bien. Donc je sais pas si c'est que je manque d'expérience, parce que bah, c'est vrai que, comme on dit, il y a pas énormément de jeux qui sont compatibles, donc on s'en sert pas souvent. Et mais du coup, ouais, j'ai vraiment ressenti, alors pourtant j'en ressens jamais, hein. Enfin, franchement, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Du motion sickness, mais vraiment bien comme il faut, quoi. Là, j'étais comme si je faisais mes débuts sur la VR, quoi, tu vois. D'accord. Donc du coup, le principe, c'est le premier niveau, si tu veux, tu vas te retrouver dans une chambre d'hôtel, et en gros, bah, le but, c'est de casser le maximum de choses dans un temps limite. C'est une crise, tu piques une crise de nerfs. Voilà, c'est ça. En fait, caprice du rock, de la star du rock. Le caprice de la star du rock. Voilà, tout à fait. Et du coup, donc c'est une chambre d'hôtel d'un petit motel pourri, si tu veux. Et en fait, bah, tu vas te balader. Au début, tu vas un peu analyser la pièce, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir casser, comment, avec quoi. Basiquement, au début, bah, tu vas avoir une chaise, donc tu vas attraper la chaise, tu vas commencer à casser tout ce qui est vase, étagère, t'as une télé, donc tu vas essayer de la faire tomber pour l'éclater. Tu peux aussi te servir de tes mains. Ouais. Tu peux péter la porte en donnant des coups de poing, etc. Dans cette première pièce, tu as un coffre-fort où tu peux trouver le code. Alors, le premier, je l'ai trouvé assez facilement, mais du coup, je l'ai fait en mode libre. Alors, enfin, il y a plusieurs modes de jeu. Là, je parle du mode histoire, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Tu as un petit coffre dans lequel tu vas avoir des objets bonus, si tu veux, qui vont t'aider à causer plus de dégâts plus rapidement. Pourquoi je dis plus rapidement ? Parce que bah, dans ce premier niveau, tu vas avoir un espèce de timing qui va t'être imposé par le fait que bah, tu vas faire du bruit en cassant tous ces objets. Ce qui fait que bah, le concierge de l'hôtel va t'entendre. Et en fait, au bout d'un moment, il va arriver. Il va essayer d'ouvrir la porte. Et en fait, tu as trois mécanismes qui vont devoir être ouverts. Ouais. Et elle va les ouvrir un par un, si tu veux. Et toi, en fait, il faut que tu te mettes derrière la porte et que tu les refermes derrière elle, si tu veux, pour pas qu'elle rentre. Au bout d'un moment, elle va en avoir marre, si tu veux. Donc, elle va repartir et elle va carrément aller chercher le directeur de l'hôtel. Donc, ça, c'est la deuxième étape de ton timing. Donc, en attendant qu'elle aille chercher le directeur, bah, tu repars dans la chambre, tu recommences à faire le P, etc. Tu vois, tu recommences à casser des trucs. Et bah, quand le directeur il arrive, bam, pareil, tu vois. Et l'objectif, du coup, c'est de casser le maximum de choses en faisant des combos. Donc, en fait, j'ai remarqué que plus tu casses d'affaires en même temps, plus ça va faire un combo, si tu veux, plus tu vas gagner d'argent. Ouais. Et sans mourir, parce qu'il faut savoir que tu subis des dégâts. Donc, casser à main nue, bah, si tu vas casser la vitre de ta douche, par exemple, bah, tu vas te couper les doigts. Donc, ça va se voir un peu sur ta main, si tu as le sang qui gicle et tout ça. Si tu te fais tomber, si tu te cognes la tête ou si tu te fais tomber une étagère sur la tête, tout ça, c'est pareil, subir des dégâts. Et en fait, si tu meurs, en gros, tu es envoyé à l'hôpital. Et donc, bah, ta partie s'arrête et ton score s'arrête à ce que tu vas avoir cassé à l'instant T. Et le fait d'avoir été soigné va te déduire de l'argent. Donc, tu as cette partie bonus-malus. Donc bah, le bonus, c'est tout ce que tu casses. Malus, c'est bah, l'intervention du concierge, l'intervention l'intervention du directeur. Et en dernier recours, c'est la police. Et une fois que tu as fait tout ça, le but, c'est de t'échapper bah, du coup, par la porte de ta chambre quand tu estimes que tu as fini, que tu as fait ton score. Ce score, c'est quoi ? C'est des dollars. Et en fait, ces dollars, une fois que tu es revenu au menu, si tu veux, tu as un petit ascenseur un peu plus loin et tu as 4 niveaux. Donc tu vas avoir le niveau de sélection, donc le premier, tu vas avoir le pawn, donc le pawn shop, le magasin, qui est hyper intéressant en fait. Quand je suis arrivé là-dedans, j'avais les yeux qui brillaient parce que c'est génial. Et en fait, c'est un espèce de shop où avec l'argent que tu as gagné dans ta précédente mission, si tu veux, tu vas pouvoir acheter des objets que tu vas utiliser. Donc tu as des flingues, un pistolet à barillet, pardon, un fusil à canoncier à deux coups, un avec plus de coups, tu as un Uzi aussi, tu vas avoir la batte cloutée très connue, une balle rebondissante, enfin tu as tout un tas de trucs, tu as même des potions bonus qui vont te donner un effet de ralenti, un effet de bullet time, pardon, ouais, sympa. Plus de force, etc. T'as une partie skin aussi où tu peux changer tes fringues. Alors tout ça c'est que de l'argent in-game, hein, y a pas de microtransactions. Ça c'est bien ça. Et puis en fait, bah, le fait d'avoir découvert cette pièce, parce que je l'avais pas découvert au début, ça m'a redonné envie. Si tu veux, ça. J'avais vraiment le sourire aux lèvres parce que t'arrives en fait dans un magasin pour faire tes courses, pour acheter des trucs débiles quoi. En fait, des gants de boxe, je te dis un casque de football américain. Tu peux acheter une boule de bowling au bout d'un bras. Enfin, tu vois, t'as tout un tas d'armes un peu démentes. Et en fait, ces armes, alors j'ai pas encore trouvé, je pensais avoir trouvé, mais finalement, j'ai pas trouvé comment les faire apparaître. Dans la pièce où tu te trouves au début, t'as une espèce de petite valise où tu peux. Où tu vas avoir les armes que tu as achetées, je pense. Et en fait, tu peux switcher, t'as une flèche pour switcher prochaine arme, etc., etc. Mais j'ai pas encore réussi à la débloquer. Donc du coup, après, tu as plusieurs objectifs à remplir. Et une fois que tu as rempli ces objectifs, tu passes au niveau suivant. Donc tu as plusieurs chambres d'hôtel. Alors je ne sais pas exactement combien il y en a. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Et après, tu as différents, tu as plein d'autres modes de jeu, si tu veux. Donc en fait, dans le concept, ça me fait un peu penser encore à du WarioWare. Je sais plus quel jeu j'avais comparé à celui-là. Enfin, j'avais fait le lien il n'y a pas longtemps aussi. Où ça va être un enchaînement de plein de petits mini-jeux, Viking Days. Ça va faire un enchaînement de plein de petits mini-jeux, si tu veux. Alors, c'est pas très très long, c'est pareil, les temps de chargement sont pas hyper longs, mais genre une mission, ça va te prendre 10 minutes, quoi, je pense, maxi. T'as des petits défis aussi qui sont plus courts, où par exemple, t'as ta voiture, t'es dans une voiture avec plein de choses dans le coffre, si tu veux, et puis genre tu t'es crashé dans une piscine, ton coffre s'est ouvert, si tu veux, et puis t'as tout qui s'est barré dans la piscine, et puis tu dois récupérer pour ramener dans le coffre et tout. Ouais, mais bon, globalement, si c'est relativement varié, si tu dis que c'est des petites expériences de 10 minutes, c'est pas mal, parce que Viking Day c'était 20 secondes. Oui, tout à fait. T'as pas le temps de. Mais c'est pour ça que je te dis c'est à voir. Alors après, pour l'instant, je suis encore sur le premier, parce que vraiment, je te dis, le gameplay il est assez particulier. J'ai arrêté le 3D Rudder, du coup je me joue avec les moves. Les moves, ça a le même, un peu le même principe de déplacement que dans Gorn. Ouais. Sauf que tu peux pas reculer. Ouais. Si tu veux reculer, t'es obligé de te tourner, de faire demi-tour avec la rotation, voilà, et puis avancer dans l'autre sens. Donc j'avoue que ça c'est un peu chiant, par contre, une petite marche arrière comme dans Gorn, je m'y suis bien habitué du coup, donc ça aurait été pratique. Et puis pour l'instant c'est tout. Ah oui, si, alors après t'as un autre, donc le troisième niveau, donc c'est ce que je disais, c'est ce niveau mode défi, et t'as le quatrième niveau, donc l'enfer, où tu vas retrouver, j'y suis retourné tout à l'heure, tu vas retrouver donc le diable qui sera là, et en fait il est en train de jouer au basket tranquillou et pour pas que tu l'emmerdes, il a fermé la porte de l'ascenseur avec une grosse chaîne et un cadenas, et je pense que tu récupéreras les clés certainement à la fin du jeu. Et puis voilà. Donc le jeu en lui-même, ouais, c'est un petit défouloir à scoring qui a l'air un peu débile. J'aime beaucoup l'univers, franchement, ce côté un peu diable mystique, barré rock'n'roll. Je franchement j'adhère. Je trouve ça hyper sympa. Maintenant, c'est techniquement, il y a une physique, c'est-à-dire que dès que tu vas avoir le poing serré, tu vas avoir tes mains qui vont interagir avec tout l'environnement que tu as autour de toi, donc en fait tu vas sentir une physique. Mais ce que je trouve dommage, c'est que tu n'as pas d'impact, c'est-à-dire que une chose toute conne, j'ai voulu éclater la télé avec la tringle de l'armoire pour ranger tes costards. Tout classique. J'ai pas pu. J'ai pas pu parce que je sais pas, pourtant c'est une barre en fer, si tu veux, tu sais, qui a l'air bien lourde, et puis en fait quand tu tapes n'importe quoi avec, même des verres, tu vois, même les verres en cristal, j'ai pas réussi à les péter. Alors je trouve ça un peu dommage du coup là-dessus. Ça me rappelle le test que j'avais fait sur Through Anything, où là c'était les zombies qui escaladaient l'immeuble. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est que dans l'immeuble, tu pouvais absolument tout prendre et tout casser. Et voilà, justement, les verres, tu cassais les verres, tu cassais une assiette, ça te faisait 4 morceaux d'assiette, du coup tu peux envoyer chaque morceau et les planter dans la tête des zombies qui montent. Et ce qui était vraiment sympa, c'est un peu comme Job, c'est la force de Job Simulator, où c'est que tu peux toucher à tout en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'est un peu ça, sauf que je te dis, l'interactivité est assez particulière. Alors en plus, pareil, pour interagir avec tes deux mains, c'est difficile de prendre un objet correctement et de le jeter dans le bon axe. Enfin, ça aussi, on a un peu le même problème que dans le jet. Dans le jet d'objet, je vais y arriver. C'est pas hyper précis. T'as un jeu de fléchettes, par exemple, au début dans le lobby, ça marche pas super bien. Donc ouais. C'est l'univers, je te dis, franchement, est génial. Le concept est assez drôle. Bah, l'idée est bonne. Ouais. Et la musique aussi est cool. J'en ai pas parlé, mais cette petite musique rock'n'roll fonctionne assez bien. Ça me fait d'ailleurs penser un peu au thème de Payday. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu. Ouais. Oui. Et c'est un peu rock'n'roll, mais un peu avec des basses, tu sais, qui te met un peu la pression. Enfin bref, c'est ce genre de thème un peu musicaux, pardon. Mais vraiment, ouais, le côté gameplay et technique, pour l'instant, j'ai encore un peu du mal, quoi. Alors je vais persévérer parce que je pense que c'est un jeu qui a besoin d'amour. Et j'étais vraiment très déçu au départ, et puis là, je t'ai dit, j'y rejoue avec les moves, c'est pas du tout la même chose. Et donc je vais peaufiner un peu, je vais approfondir, mais c'est plus intéressant, je trouve, que ce qui y paraît. Voilà. D'accord. Il y a l'air d'y avoir plus à faire que ce qu'il y paraît. Bon, par contre, il y a quand même le problème de l'anglais permanent et dans le texte et dans la voix. On attend ton test avec impatience. Mmh. Savoir si on va péter des trucs ou pas. Je vais essayer de me dépêcher, mais c'est vrai qu'il est... tu vois, si j'étais resté sur ma première impression, je l'aurais défoncé. Mais finalement, je pense que c'est un peu se hâter que de se contenter de ça. Une question de bon, après, c'est pas le jeu AAA du siècle, hein, faut pas non plus abuser, mais je pense qu'il méritera pas un 2 sur 10, quoi, tu vois. On sera quand même au-dessus de la moyenne. T'es déjà à 4 heures de jeu, apparemment, donc. Ouais, mais 4 heures, mais que sur le premier niveau, je t'ai dit, puis j'ai fait quelques mini-jeux, et puis le temps de naviguer dans les menus, j'ai passé pas mal de temps dans la boutique aussi, donc. Moi je me balade, hein, j'aime prendre mon temps. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, je pense que je l'ai un peu jugé rapidement, mine de rien. Mais bon, voilà, je me répète, c'est quand même pas le jeu du siècle non plus. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais ça mérite d'être approfondi. Moi j'ai juste une petite question, toute bête. Je t'écoute. En fait, comme c'est un jeu à petite session, quand tu le lâches une soirée et puis après que tu y reviens le soir d'après, est-ce que t'es content d'y retourner ou pas? Est-ce que t'es content de retourner dans le truc pour y jouer? J'ai fait 3 sessions. Ouais. Les 2 premières, non. Honnêtement, je me suis fait violence. C'est pour ça que je t'ai dit que je l'avais mal jugé. Mmh. Mais je pense que ça va dépendre de l'intérêt que tu portes à la VR. Ça va dépendre du temps que tu as déjà passé sur la VR et de ce que tu en attends. Je viens de récupérer The Walking Dead. Si je l'essaye, je sais que celui-là, je n'y remettrai plus les pieds. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc, tout est relatif. Voilà. Après, il n'est pas cher non plus, hein, parce que 19 balles, franchement, c'est pas excessif. Je ne saurais pas me prononcer sur la durée de vie, mais bon... C'est un jeu à scoring, donc on peut partir du principe que t'en as pas. L'histoire en elle-même, il y a 6 niveaux. Pour faire tous les objectifs, ça a l'air quand même assez long. Donc je pense qu'on va être sur une moyenne de 5-6 heures de jeu. Voire 7 si vraiment tu galères. Mais déjà, la compréhension des objectifs est pas hyper claire, quoi, tu vois. Moi, je parle anglais, enfin je comprends l'anglais, mais j'ai pas non plus. Enfin, je suis pas bilingue, mais il y a quand même des mots que j'ai jamais vus dans ce jeu. Donc bah, faut faire le lien après à force de jouer tu comprends, mais c'est encore une fois c'est cet anglais qui n'est pas traduit à l'écrit, c'est quand même vachement dérangeant, quoi. Je pense pas que ce soit vraiment un gros budget que de traduire à l'écrit, enfin ça doit coûter forcément, mais ce serait quand même important pour la vente et le développement de la VR que de faire plusieurs langues, ne serait-ce que dans le texte, quoi. C'est clair, on est bien d'accord, voilà. Là-dessus. Voilà ce que j'avais à dire pour Hotel RNR. Vous l'avez essayé ou pas? Non. Non, absolument pas. Mais je vais peut-être y aller par curiosité quand même. Non. Mais écoute, voilà, je te dis, faut pas vraiment s'arrêter sur les premières impressions. Puis vraiment, c'est cette boutique d'armes qui m'a un peu remotivé et donné envie d'aller un peu plus loin. Moi, comme tu disais, en fait, ça, c'est vraiment le genre de jeu, ça dépend de ce que t'attends de la VR et un petit peu des expériences que t'as eues. C'est pas du tout le genre de jeu qui m'intéresse, mais vraiment pas, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Toi, bah, ok, j'ai été agréablement surpris par Gorn parce que je me suis pris au jeu et que finalement, ben, il y a une physique telle dedans que voilà, tu rentres dedans et c'est, tu deviens une espèce d'animal sans cervelle à buter des gens et à casser des bouches. Ça, j'ai. Ah, il faut quand même réfléchir un peu des fois. Oui, mais tu vois, j'ai même quand même le côté viscéral de ce jeu-là, mais celui-là, non, mais trop, c'est trop, quoi. Des jeux dans ce genre-là. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a quand même beaucoup. C'est des petites expériences et des petits machins. Voilà, quand t'as joué à Walking Dead, c'est délirant. Puis même le perso est délirant, si tu veux. Quand tu le vois, il fait un peu penser au design Rick et Morty, tu sais. Donc c'est. Ouais. Mais Rick et Morty, ça, c'est très second degré, quoi. Rick et Morty, tu vois, c'est un talent d'écriture derrière, quoi. Et tu vois, c'est ça qui manque à ce genre de jeu-là. C'est du Je sais pas. Scénar, le problème, c'est que la textualisation, quand tu rencontres le diable, les persos sont hyper bien faits. C'est vrai que j'ai pas parlé graphiquement, c'est pas trop mal, c'est joli, c'est ça a l'air coloré, joli, c'est ouais. Lisse. Ça a l'air assez joli, épuré. C'est propre, voilà, c'est propre. C'est pas non plus. Enfin, après, c'est des petits niveaux, c'est pas la panacée, mais c'est ça reste propre. Et la petite entrevue que tu fais, je te dis, avec le diable, elle est aussi sympa. Enfin, tu sens qu'il y a un petit échange malin. Il te dit, bon voilà, il te fait signer un contrat. T'as une espèce de pupitre qui sort avec un captcha. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu sais, le captcha, c'est ce qu'il faut que tu coches pour dire que t'es pas un robot, pour te faire signer le contrat. Tu vois, enfin, c'est. Je trouve ça marrant. C'est les petites touches d'humour comme ça qui sont parsemées par-ci par-là. Et mais qui malheureusement encore une fois sont en anglais, donc c'est tu saisis pas tout l'intérêt, tu saisis pas le sens de la vanne à chaque fois, enfin voilà, donc c'est dommage. Encore un jeu plein de bonnes idées, mais qui sera je pense complètement occulté du fait que ça soit en anglais, quoi, malheureusement. Ok, très bien. J'aime bien cette phrase. Ça, c'est vraiment quand t'as pas d'idée de transition, tu fais ça. Ok, très bien. Bah alors, ouais, j'avais remarqué. du coup, ben, on va passer à ce qu'on n'avait pas oublié, Laurent. Oui. Tu voulais parler donc d'une news assez intrigante. Blunt Force. Que s'est-il passé avec ce jeu? Alors, Blunt Force, donc c'est un jeu qu'on a annoncé sur le site VR4 Player en juin 2018. Donc, c'était il y a 2 ans. Et donc, à l'époque, les développeurs nous avaient dit que le jeu allait était bien prévu sur PlayStation VR. Et puis c'est vrai que, je sais pas si vous avez vu le trailer du jeu, quand on voit le trailer, on se dit c'est bon. Ouais, d'accord. Donc est-ce qu'ils sont en train de nous la jouer à la Arc Park? On se dit bullshit. Voilà, est-ce qu'ils sont en train de nous la jouer à la Arc Park en nous faisant un trailer de malade super bien, super joli pour nous appâter et que le jeu derrière ça sera une cata? Ou est-ce que au contraire le jeu sera peut-être sur PlayStation 5? On n'a pas eu la validation là-dessus, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Normalement on n'aurait pas dû en parler, et puis en fait il y a à peu près un an de ça, il y avait Summer Funland qui était sorti, et puis suite à Summer Funland, on avait l'habitude d'avoir toujours des contacts avec les développeurs, et puis à partir d'un moment, ben, on a eu l'impression que les développeurs ont carrément coupé le micro, quoi. On n'avait plus aucune réponse. Et donc il y a un an de ça, j'avais envoyé pas mal de mails en leur demandant où en était Blunt Force maintenant que Summer Funland était sorti, parce qu'on voulait le jeu avait l'air très beau, on était intéressé, et puis rien. Donc bon, j'ai dit ben pas de nouvelles, il doit être annulé. J'ai laissé tomber, je m'en suis pas mieux occupé. Et là il y a trois jours, je reçois un mail. Et qui c'était? Bah, les développeurs de Blunt Force, donc de Monadrock, qui répond à deux de mes messages, et qui disent que c'est bon, ils vont pouvoir. Le message c'est ça, ils me disent clairement qu'ils vont pouvoir maintenant communiquer sur Blunt Force. Donc c'est le ils vont pouvoir, on va pouvoir, je dis, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit avant, et que maintenant ils auraient le droit. Donc ils annoncent, moi ma principale question c'était est-ce que le jeu est maintenu, est-ce qu'il est annulé, ou est-ce qu'il est la PS4 n'a pas la puissance pour le faire tourner. Il en est où? Et là ils ont clairement répondu, ils ont dit non, mais il n'y a pas de souci, il va sortir à la fois sur PC et un peu plus tard, certainement décalé, mais il est bien, sa partie PSVR est toujours là, en développement, il n'y a pas de souci. Donc c'est un jeu qui est en développement depuis 4 ans. Ouais. Donc là, bon... Bah, donc ça risque d'être un bon jeu. Oui, bah, ça y ressemble. Ça a l'air en tout cas. Hein. Et puis donc, bon, bah, suite à cette réponse, bah, j'ai commencé à poser d'autres questions. Et bien sûr, là, tout d'un coup, plus rien le lendemain. Mais entre-temps, il y a eu l'événement il s'est passé un truc. Du 4 juin de la PS5 qui a été reporté. Et c'est bizarre parce que j'ai vraiment eu l'impression que les développeurs se fermaient comme une moule juste après que l'événement ait été reporté. Donc c'est peut-être juste une impression, si ça se trouve, bon, mais ils n'ont pas prévu encore de communiquer. Mais je trouve ça bizarre qu'ils se réveillent maintenant, à deux jours d'un événement. On va pouvoir communiquer, et voilà. Puis du jour au lendemain, voilà. Plus de son, plus d'image, parce que conférence décalée. Voilà, donc c'est ce qui me fait dire dans l'article où je soupçonne d'un jeu PS5. Bien sûr, on n'a aucune validation du studio, je le répète, on n'a pas de validation comme quoi c'est un jeu PS5. Mais en tout cas, on a déjà la validation que le jeu n'est pas mort, qui sortira bien sur le PSVR. Et donc qu'il est toujours en développement et puis voilà. Alors est-ce que c'est un titre qui allait être annoncé? Et ils ont dit bon, on est à deux jours de la conférence, on va commencer à teaser le truc parce que ils ont dit qu'ils allaient pouvoir nous donner des informations dans quelques semaines. Oui, donc voilà, c'est clair, c'est ça. Donc c'est voilà. Et là ils répondent plus du tout. Donc c'est étrange. Alors juste voilà. Je pense que Majo allait le dire, c'est quoi Blunt Force exactement? C'est quoi comme type de jeu? Ça ressemble à quoi? Bien entendu. Mais tu me l'as enlevé de la bouche. Mais oui, je sais, je t'ai vrai. Je te remercie. Alors, Blunt Force, c'est à la fois... Alors, déjà, allez voir le trailer, parce que vous allez voir que c'est très joli. Ça va vous... Quand t'as promis de te faire chier avec une description, ça... Non, mais allez voir le trailer, c'est bon. Ou c'est parce que c'est... Sur le site de VR4Player, d'ailleurs. Disons que c'est pas le trailer qui va te dire de quoi le jeu parle, en fait. Le trailer, c'est plutôt une partie FPS, Deuxième Guerre mondiale, où il faut tuer des nazis. À la Soldat Ryan, hein, dans des villes délabrées, des chars, des tanks, des avions qui te passent, qui te bombardent. À la Battlefield un peu. Hein. Battlefield, voilà. Et donc le titre en lui-même, il a deux modes. Il a un mode arcade et un mode défi. Dans le mode histoire, en fait, tu vas. Et c'est là où il y a une nuance dans ce jeu-là, c'est que tu vas pouvoir, à l'aide d'une montre, changer d'époque. Donc tu vas être, par exemple, dans la bande-annonce, on le voit très bien, à un moment tu es dans un café, et au moment où tu touches ta montre, tu remontes le temps pour te retrouver dans les années 39-45. Quoi. Toujours là, dans le même café, mais toujours dans le même café, mais le café il est démoli cette fois. Et là, t'as des Allemands qui surgissent de tous les côtés, qui veulent te plomber, et puis et y a un truc, ça les trahit. Il y a un truc dans la vidéo, justement, dans le trailer, qui va vraiment, qui renforce un petit peu ton idée de la sortie pour la PS5, c'est les effets de particules de barjo que t'as dedans. Ouais. T'as une espèce d'explosion quand la temporalité change. Ça, sur PS4, sur ma bonne vieille PS4, je pense qu'elle fond si je lui mets ça en verre dans la gueule. Hein. Mais c'est clair, hein, C'est le décès, ouais, c'est sûr. C'est là où j'ai une crainte sur ce titre. Summer Funland, il était pas vilain. L'expérience Batman était magnifique. Hein. Voilà. Et pareil dans l'espace. Tu vois que c'est un studio quand même, c'est un studio polonais qui en ont sous le capot. C'est des vétérans, hein, c'est pas un jeune studio. Ils ont tous travaillé sur des gros jeux avant. Et Summer Funland, je m'attendais pas à ça, j'ai été agréablement surpris, même si c'est pas une merveille, c'est pas non plus le style de jeu qui me fait baver, mais c'était pas là. Par contre, ça a l'air d'être beaucoup plus poussé, et moi ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas nous faire le coup de Ark Park avec un trailer alléchant et qu'à la fin tu te retrouves avec un truc complètement minable, quoi. Si tu regardes un peu plus près les animations des persos et tout ça, tu vois quand même que ça reste assez rigide, hein. C'est rigide, donc, c'est sûr, c'est ce qui peut faire penser que ça reste du gameplay pas trop loin de ce qu'on aura. Après, on aura toujours quand même cet effet de grille, tu sais, ouais. Je dirais pas forcément ça sera pas aussi lisse et fin que ce que tu vois à l'écran. Sur le trailer, mais je dirais pas, mais je pense que l'ambiance générale sera bonne. Pardon, ça y va. Je dirais pas que c'est rigide au niveau des animations, mais ça me fait penser à un mélange cartoono-réaliste, un petit peu comme BioShock Infinite, tu vois, où les personnages non, pas forcément cel shading, mais tu vois, un côté un petit peu cartoon sans aller dans le cel shading, mais tu vois, les persos ils bougent un petit peu comme des personnages de dessins animés, ouais. avec un aspect un peu plus réaliste, tu vois. C'est peut-être là que ça part un peu bizarre. Je pense pas que Bah, disons que ça passe, ça aussi, on nous a toujours dit que d'un point de vue graphique, graphisme, pardon, le côté un peu dessin animé passait toujours mieux que le côté photoréaliste. Ça vieillit beaucoup VR. Mieux en plus. Hein. Et bah oui, bon après c'est pas pour déplaire, hein, c'est toujours pareil, ça reste très coloré, assez arrondi, mais c'est aussi beaucoup d'effets de lumière. Si tu regardes bien, t'as beaucoup d'effets de lumière, beaucoup de effets de fumée aussi. Global, voilà. Mmh. Mais je pense que si tu t'approches dans le détail, on est encore sur quelque chose de pas très très net. Oui, c'est pas la démo de la PS5, c'est sûr. Par contre, j'ai des doutes sur une PS4 quand même. Ou alors ça va aliaser de partout et ça va. Ah non, mais sur une PS4 ça passe pas. Voilà. Avec tout ce qu'il y a, enfin pour moi le Je pense le plus, la végétation le plus animé, extérieure, déjà, j'ai un gros doute. Quoi. Le jeu le plus animé pour moi auquel j'ai joué et le plus scénarisé, c'est Blood and Truth. Mmh. Et t'as pas autant d'effets visuels, et pourtant t'en as beaucoup, et t'as pas autant d'effets visuels que ce qu'on a vu dans le trailer sur Blood and Truth. Mmh. Donc c'est impossible que ça tourne sur une PS4. Enfin, j'y crois pas. Bah, est-ce que qu'on nous fera mentir, ce trailer, hein, c'est un trailer sur un très gros PC puissant, et dans ce cas-là, la version oui. PS4 risque de faire grincer des dents. Donc dans ce cas-là, t'auras pas les arbres. Il faudrait refaire peut-être un trailer adapté pour le PSVR. Ou est-ce que ils ont attendu justement tout ce temps-là parce qu'ils ont dit bon bah le projet sur PS4 on le laisse tomber et à un moment où ils ont dit bon on continue le projet mais sur PS5. Certainement. Mystère. Mais ça on le saura donc d'après les développeurs on le saura dans quelques semaines parce qu'ils ont prévu de recommuniquer dessus. Et ben on va attendre d'en savoir plus quoi. Moi, je l'attends grave celui-là, franchement. Le côté un petit peu graphique Bioshock. Un bon FPS qui tâche, ça fait longtemps. Avec une bonne ambiance, hein, il a l'air d'avoir une grosse. Puis, à mon avis, il y a de l'histoire aussi. Hein, grosse ambiance dedans, quoi. Une bonne histoire, et puis il y a ce jeu entre le passé et l'avenir. Ouais, c'est les différents timelines. Très sympa. Quoi. Et pas souvent vu en plus en VR. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont pour base, enfin pour décor, la Seconde Guerre mondiale, et même plus. Donc ouais, ça peut être. Final Assault qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais d'accord mais c'est pas du tout le même genre quoi, c'est moins non, immersif. C'est, pas FPS. C'est moins immersif. Hein. Donc moi je l'attends en tout cas. Ok. Bon il y en a une dernière petite news, enfin c'est pas vraiment une news, c'est plus un teasing. Je sais pas si vous l'avez vu, enfin j'espère parce que on a fait un article quand même. C'est mince, j'ai oublié le nom. C'est formidable ça. Ah Fast Travel Game. Ah merci. Et on a Fast Travel là qui nous a fait un petit teasing depuis quelques jours et qui en a remis une couche hier en nous informant que donc durant le Summer Game Fest il y a le Upload VR qui fait un petit festival pareil VR durant cette période. Et du coup ils nous ont annoncé que le 8 juin, donc dans 4 jours, ils lèveraient le voile pardon, sur leur futur jeu VR. Donc pour ceux qui ne savent pas, ils ont développé Apex Construct qui s'est vendu à 100 000 exemplaires là, il n'y a pas longtemps, qui a passé la barre des 100 000, donc c'est quand même pas mal. Ils ont fait Budget Cuts 2 et The Curious Tale of the Stolen Pets. Et donc du coup, ils ont teasé lever le voile donc sur leur prochain jeu le 8 juin en le qualifiant du jeu le plus ambitieux qui s'est jamais fait. Donc on sait quand même qu'ils sont, alors c'est pas des énormes jeux, quoique Apex était quand même sympa et Budget Cuts aussi a été très très bien. J'ai trouvé bien moi. Mais ça reste et Curious Tale pardon donc le dernier qui j'ai adoré. Je crois qu'on qui durait pas très très longtemps mais voilà qui était quand même relativement propre, bien pensé dans ses on peut dire ses, je crois que tout ce qu'ils ont sorti, ils ont sorti que des bons jeux hein, en VR. Mais vraiment. Ouais, j'ai relu le test d'Apex et sur PSVR, il était quand même pas mal buggé visiblement. Ouais, il y avait des petites je crois que c'est leur premier jeu d'ailleurs. Je me souviens d'Apex, j'avais plus de flèches à mon arc et je pouvais plus bouger. Enfin, au début, il y avait plein de bugs. Et obligé de relancer le jeu avec ça. Et donc du coup, voilà. Enfin, on attend un peu de savoir quel sera ce fameux jeu le plus ambitieux développé par Fast Travel. C'est vrai. On a hâte d'en découvrir un petit peu plus là-dessus. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont fait que des bons jeux. Donc en plus, s'ils disent eux-mêmes que ça va être le truc le plus ambitieux qu'ils ont fait à ce jour, go les gars. Hein. Alors à savoir, après c'est toujours pareil, à savoir quand est-ce que ça, depuis combien de temps ils développent, quand est-ce que ça va sortir, quel type de jeu ce sera. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Ça, encore une fois, ça se réveille. La com commence à se réveiller un peu partout. Et c'est bien. Donc, est-ce que ça sera porté sur PSVR aussi? On n'en sait rien. Hein, encore une fois, mais bon. Parce que Budget Cuts, je crois que c'est jamais sorti sur PSVR. Hein. Leurs trois premiers jeux sont sortis sur PSVR. Budget Cut, il est prévu en sortie. Oui, mais il n'est pas sorti encore. Non, mais il va arriver. Donc, non, il n'est pas sorti. Mais non, mais ça, c'est Fast Travel Game, nous, on a discuté, c'est sûr. En VR, il arrive. Budget Cut plutôt, il arrive. Par contre, c'est vrai que moi, rien que leur petite expérience Curious Tale of the Stolen Pets, putain, c'est vraiment super joli, c'est vraiment détaillé. Apex, c'est pareil, ça faisait partie des premiers jeux du PSVR, et c'est pareil, c'était vraiment sympa. Donc, ils ont un potentiel. Pour ceux qui aiment ce style de jeu, hein, c'est toujours pareil. Ils ont un super potentiel et à mon avis, on va pas être déçus. Bah, ils ont pas l'air en plus d'être. Ce serait étonnant que le quatrième jeu ne soit pas PSVR et ça serait un indicateur également qu'il y a peut-être du mouron à se faire pour le PSVR dans ce cas-là. Mais... Ils ont pas l'air d'être arrêtés, hein, ce style de jeu, justement. Apex et Budget Cuts, ok, c'était des FPS. Apex c'était plus action, Budget Cuts, il me semble, il était quand même plus infiltration et réflexion. Curious Tale of the Stolen Pets, celui-là, c'était carrément c'était de la plateforme. C'était de la réflexion. Puzzle. Apex c'était pas mal d'énigmes aussi, hein. Oui, ouais, mais bon, c'était surtout l'arc qui faisait. Ouais. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas juste une idée de gameplay, et puis voilà, on va faire un jeu avec uniquement ce truc-là, juste du shoot, juste des énigmes, ou juste un jeu en vue du dessus. Non, ils ont l'air d'avoir essayé plein de trucs différents avec tous leurs derniers jeux, et donc je pense qu'on peut les attendre à peu près n'importe où et savoir qu'ils vont de toute façon bien se démerder. Hein. Enfin, je pense. Je pense. Ça serait étrange qu'une fois ce. Voilà. Il faut juste croiser les doigts pour que le PSVR fasse partie de la liste. Oui. Ok. Et je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, messieurs. C'est bon. C'est vrai? Bah ouais. Bon. Eh bien, écoutez, merci. Ah, c'est un petit truc. Du coup, moi, je suis sur... T'as vu, je l'ai fait. Hein. Moi, je dis rien. J'écoute. Je laisse la parole à mes invités. Mais non, faut que tu t'énerves. Faut que tu dises, oh, tu m'emmerdes, arrête de me couper, tout ça, ouais. Ah non, moi, je suis pas comme ça. Je m'appelle pas Sey. Oh là là, je suis déçu. Oui, juste pour dire que ça continue le workshop, hein, sur Half-Life Alyx. Alors oui, sur PC. Mais bon, moi, je continue à bien m'éclater dessus. Là, il y a des bonnes grosses maps qui sont sorties avec des gens ultra talentueux, des maps qui sont scénarisées, super belles, avec des ambiances complètement différentes du jeu d'origine. Donc voilà, si vous avez un PC, si vous avez un casque, et si vous n'avez pas le Half-Life Alyx, je comprends pas du tout. Donc voilà, allez-y, le workshop, lâchez-vous, c'est trop bien. C'est tout. Ok. Bon, ben, écoutez, merci d'être venu pour fêter le pot de départ de Sey. Hey, salut la compagnie, hein. Le caisse. Hein. Merci Laurent. On vous rappelle que vous pouvez. On vous rappelle que la PS5 est toujours pas sortie. Oh le salaud. On rappelle qu'on n'a pas pu faire. Qu'on n'a pas pu faire aussi notre émission spéciale. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que ce soir, on avait un gros truc de prévu. On avait prévu. Là, l'émission devrait se terminer parce qu'il est 22h56 à l'heure de l'enregistrement. Donc là, on terminerait. On aurait peut-être vu la PS5 et peut-être vu des jeux. Et ça sera pas le cas. C'est vrai. On avait prévu en fait de commenter la vidéo en même temps qu'on la voyait et enregistrer ça en direct avec le podcast. Et voilà, et c'est un truc un petit peu différent que ce qu'on fait d'habitude. Mais bon, malheureusement, on n'a pas pu le faire pour les raisons qu'on connaît tous. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Peut-être dans 15 jours. Peut-être dans 15 jours, mais je ne serai pas là. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Donc on vous rappelle les podcasts. Vous pouvez les écouter sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, sur PodCloud, sur le site internet donc de VR4Player, bien entendu. N'hésitez pas à venir faire un petit tour et sur la chaîne YouTube de VR4Player et sur le site internet, il y a plein de news comme d'hab. Et puis, à dans 15 jours. Voilà. Et puis, ouais. Merci de nous avoir écoutés. Et juste un petit truc, sur iTunes, je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous aimez bien le podcast, ça permet vraiment de nous soutenir et de mieux nous référencer. On en a vraiment besoin. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter, à certains apprécient bien ce qu'on fait, donc n'hésitez pas à le mettre dans les étoiles. À mettre des étoiles. Voilà. Je note pour la prochaine fois, merci. Sur iTunes, parce que moi je suis, en plus, le pire c'est que je suis pas le genre à le faire, ça me fait chier. Il y a des podcasts que j'écoute depuis des années et que j'adore. J'ai jamais noté, je suis vraiment un salaud. Mais c'est vrai que c'est important de le faire, donc. Et tu oses quémander des étoiles alors que faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi. En gros, c'est moche. Voilà. Ouais, mais j'ai envie de laisser une belle image de moi, tu vois, avant de partir, donc voilà. Bonne image de con, je pense que c'est pas mal. Comme ça, merci, c'est beau. Voilà, allez. Donc laissez des étoiles pour l'âme de Sei. Allez, s'il vous plaît. Merci, je vous aime. Merci à tout le monde. Allez, et à dans 15 jours. Ciao, bye. À bientôt. Ciao les gars. Ciao. Bon, ben. Et donc, je voulais rajouter aussi que. Bon, non, mais ça, garde-le pour la fin, ça. Donc, écoutez, pardon, parce que vous êtes deux. Écoute, pardon. Plus les auditeurs. Maintenant, on va faire la partie test. Non. Ouais. Il reste un encore. Ah bon? Non, moi, j'ai plus rien. On n'a pas parlé de Blunt Force. Mais non, on a dit qu'on se gardait pour la fin, celui-là. Ah bon, bah d'accord. Garde-le pour. Donc, du coup, j'avais raison. Merci de m'avoir coupé, patron. Je suis désolé. Du coup, la part... je vais me flageller. Je m'en occuperai. Depuis le temps que tu dois te flageller, toi. Je viendrai t'amener quelques chocolatines pour te punir. Ah, toi.